C'est fou! 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron vient nous présenter les nouveaux gens campus au parfum de menthe. Et Stéphanie Paradis critiquera une série qu'elle a regardée dans sa chronique Patate de sofa. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 28 septembre 2017, à 211 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Le seul, l'unique studio de la station. Drôle aujourd'hui de journée où on a ressorti les pantalons après avoir ressorti les shorts. Et là là! Il fait froid dehors, mais il fait super chaud dedans. Écoute, je suis allée m'entraîner hier soir, j'étais en short, j'étais en gougoune. J'avais une veste parce que considérant le fait que j'allais ressortir quand même assez un petit peu mouillée, je me suis dit, je veux pas trop pogner froid. Ce matin, par exemple, je l'aurais pas fait. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis à la pluie hier. J'ai eu la chance d'avoir le rhume hier et de partir un petit peu plus tôt que prévu. Vrai. Deux jours de suite, je suis parti vers les peut-être 2-3 heures de l'après-midi. Mm-hmm. Contrairement à d'habitude, 5-6. C'est vrai. Une chance, parce que je suis arrivé chez nous, puis bam, les éclairs. Hey, écoute, je suis sorti de la station de radio, j'ai pris ma douche avant d'aller m'entraîner. Ah oui. C'était quelque chose. Particulier comme journée. Ouais, ouais, assez. C'est le fun, ça se met de la variété un petit peu dans la vie. Parlant de variété dans la vie, on a des chroniqueurs des plus variés aujourd'hui. Tania, laisse-moi t'en parler un peu. Ben, vas-y. À 8h30, David Ferron va être là, il était supposé être là hier, mais lui aussi a le rhume. Oui, ça va pas bien au bureau, là. Tous mes collègues sont malades. Je fais juste me tenir loin, espérant ne pas pogner ce qu'ils ont. Quelle mauvaise période de l'année. Ouais, c'est le temps où on savait pas trop comment s'habiller. Hein? Ouais. C'est le premier de 3 ou 4 rhumes qu'on va avoir pour la saison scolaire. Absolument. Donc à 8h30, David Ferron va être là pour parler du nouveau Zone Campus. Zone Campus qui est vert menthe cette année. Très belle couleur en passant, j'aime bien. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir que tu dises ça. On dirait que c'est la quatrième année en fait qu'on choisit une couleur différente à chaque année. Oui. Et je pense que celle-là, je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Ensuite, à 9h, Stéphanie Paradis va être avec nous pour sa chronique Patate de sofa, où elle nous présente une chronique, souvent une chronique de Netflix qu'elle a découvert pendant la semaine ou pendant les dernières semaines. C'est sa deuxième chronique, donc à un moment donné, sa liste commence déjà à prendre de l'ampleur, j'imagine. J'ai bien hâte de savoir ce qu'elle nous présente aujourd'hui. Moi aussi, ça c'est à 9h. En fin d'émission à 9h30, une grosse pointe d'adresse, c'est le retour de nos dégustations de produits. À la semaine passée, on avait tellement de monde qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Là, par contre, on revient. On va goûter à quelque chose, donc à 9h30. Si tout va bien, espérons-le, Stéphanie Paradis aimerait rester ses Ça serait merveilleux, on aime ça. Sinon, on va aussi faire le vrai, le faux aujourd'hui, la chronique où tu essaies, toi, Tania, de déterminer mes nouvelles, si elles sont vraies ou si elles sont fausses. J'ai hâte, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait celle-là. On l'a fait durant l'été. On l'a fait pas la première semaine ici, il me semble. Non? Je pense que oui. Je suis pas certaine. C'est pas grave, le temps défile devant nous comme si on était mort. En effet, je suis prête à compter mes points. C'est ça, exact. Tu vas voir aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, deux chroniques de Tania Esgala Entertainment. Qu'est-ce que tu nous prépares? Deux sujets différents? Deux sujets complètement différents, je dois le dire. Ce matin, je vais vous parler de self-care, parce qu'apparemment que ça serait peut-être la nouvelle maladie, entre guillemets, des milléniaux. On va voir c'est quoi. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une maladie plutôt obsession, vous allez voir. Et aussi, je vais vous présenter peut-être la nouvelle Einstein. Je sais pas ton affaire. Alors, ça fait hypochondriaque un petit peu. Bien-être comme dans genre prendre trop soin de soi-même. Oui, exactement. C'est une obsession que nous avons apparemment. On commence avec une de tes deux chroniques, oui. Hein? Oui. Tantôt. Je vais mieux, mais je suis toujours pas présent mentalement. Écoute, le cerveau est difficile. C'est ça. Mais avant ça, on écoute Amelia Curran. Un petit succès des dernières semaines, en fait, de l'été. Au palmarès, c'est fou. Donc voici Amelia Curran et sa pièce Gravity tout de suite à Assemblage requis. Sur C'est fou. 89 FM. We're drawing on an airline. Been here 1,000 times. We holler and holler and holler and holler. And then they lose their minds. Gravity, gravity, gravity, gravity, gravity. Such a disgrace. A voice is a terrible thing to waste. Facilement une de mes meilleures pièces préférées de l'été, celle de Miriam Curran, Gravity, Assemblage requis. Je l'adore tellement, cette fille-là et la chanson. J'étais en train de prendre mes pilules du matin pour mon rhume en ce moment. Oui. Mes bénilins tout inclus, truc, là, ça fonctionne tellement bien. Et je l'ai pris avec mon café beaucoup trop chaud. C'est pas grave, ça veut dire que ça va faire effet beaucoup plus rapidement. Peut-être, hein? C'est un conseil, ça? C'est un conseil, je me souviens plus où j'ai vu ça, mais c'était approuvé par un médecin. Ah oui? Lorsqu'on prend un médicament avec un café, ça va l'activer plus rapidement. Ben voyons donc, toi! Oui, mais il faut faire attention, là, il y a des médicaments qu'il faut pas mélanger avec du café. C'est ça, il faut faire attention parce qu'il y en a qui disent de prendre un shooter de rhum avec. Oui, non, ça c'est déconseillé. C'est vraiment fort! Maintenant, justement, Tania, elle a plein de conseils, d'informations, de suggestions pour nous dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. On a dit deux sujets aujourd'hui, Tania. Par lequel est-ce qu'on commence? Je vais commencer par le côté peut-être un petit peu plus scientifique de la chose ou titiller votre intérêt scientifique. Ah, ce serait bon, ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mathieu, il y a un des plus grands mystères de l'univers qui est relié aux ondes gravitationnelles qui n'a jamais été capable d'être résolu. On aurait dû finir la section avec Gravity à la place de la commencer. Mais non, mais c'est merveilleux. C'est correct, on aime ça. La chanson. Oui, en effet, les ondes gravitationnelles, tout ce qui est trou noir, tout ce qui est aérospatial et qui est un petit peu nébuleux, eh bien, on n'a jamais vraiment réussi à se rendre à certaines conclusions de ce côté-là, malgré le fait qu'il y a plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question, entre autres Albert Einstein, qui lui a prédit l'existence justement des ondes gravitationnelles 100 ans avant qu'on les découvre véritablement. Il était badass, pas mal, ce gars. Mm-hmm. Pas mal awesome. En effet. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à se rendre là? Mm-hmm. Pourquoi je vous parle d'ondes gravitationnelles ce matin? Vous inquiétez pas. Il est 7h15, là, ouais, le contenu est lourd comme c'est ça. C'est surtout pour vous présenter, en fait, la future Einstein. Ah. Ou du moins, la fille qui est présentée c'est facile à ce moment-ci. De dire ça. On dit souvent ça, c'est le nouveau ou la nouvelle X. Ouais, mais attends, là. Okay. Je vais te la présenter. Puis tu me diras ce que t'en penses après, OK? Je vous parle de Sabrina Gonzalez-Pasterski, qui est née en 93. Donc, elle n'est pas si âgée que ça, là. On parle de 24-23 ans maximum. Elle est née à Chicago, donc c'est une physicienne américaine âgée de 24 ans. Là, tu te dis physicienne, âgée de 24 ans, aux États-Unis. Ça me semble c'est jeune. Ouais. Elle étudie la physique des hautes énergies. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça? Parce que... Avec du talent. Ben, ça se fait pas... c'est pas quelque chose que tu fais en claquant des doigts. Il faut vraiment que tu sois un petit peu génie. Ben oui, en effet. Mais pourquoi est-ce qu'on la qualifie de nouvelle Einstein? Et pourquoi on dit qu'elle pourrait bouleverser la vision du monde? En fait, c'est qu'à l'âge de 14 ans, elle était passionnée de tout ce qui touchait à l'aérospatial, tout ce qui était planète, tout ce qui était monomoteur et tout ce qui était avion. Donc, à l'âge de 12 ans, elle s'est mise à faire des plans elle-même pour un avion à monomoteur à l'aide de son père. Mais les plans étaient vraiment créés par elle. Ouais, ouais, ouais. Son père l'aidait juste à souder les pièces à l'âge de 12 ans. Ça vous donne une idée? Donc, elle a créé ces pièces-là. Et deux ans plus tard, elle a décidé de mettre les pieds dans les bureaux du campus du MIT. Aux États-Unis, le MIT, c'est pas mal l'examen que tu passes pour savoir si t'es pas mal intelligent. Ouais, dans CNX et Merci Science, sur Mathieu Planchot, là, à peu près tout se passe au MIT. Là, exactement. Donc, elle a amené ses plans d'avion monomoteur sur le campus. Et neuf ans plus tard, bien la chercheuse est maintenant diplômée du MIT. Là, vous vous dites, 9 ans plus tard, si on fait 23 moins 9, c'est pas mal qu'elle est rentrée au MIT tout de suite après avoir amené ses plans là-bas. Comment est-ce que c'est arrivé tout ça? Et en fait, elle a titillé l'attention de la fille qui était responsable du MIT. Là, je recherche son nom et ça m'échappe pendant 30 secondes et je sais pas pourquoi. Appelons-la Linda. Oui, OK. Appelons-la Linda. Non, pas vraiment. C'est plutôt... Mélinda, je le cherche, ne vous inquiétez pas. C'était pas mal plus facile de l'appeler Mélinda. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, elle a amené ses plans d'avion justement au MIT. On a présenté tout ça aux gens qui étaient devant nous. Elle a eu la note maximale que tu peux recevoir au MIT. Le top du top. Imagine, là, t'es probablement dans le 0,0001% des personnes les plus intelligentes. Oui, c'est ça. Elle est devenue candidate pour un doctorat à l'Université d'Harvard en même temps. Elle est brillante. C'est une femme vraiment impressionnante. Et pour les esprits les plus éminents de la planète, pour ceux qui bouillonnent le plus, bien, elle pourrait un jour changer notre vision du monde. Son nom nous dit peut-être pas grand-chose, on en a peut-être pas entendu parler tant que ça. Pourquoi? C'est bien simple, en fait, la fille, elle a pas de smartphone, elle a pas Twitter, elle a pas Facebook. Mais c'est pour ça qu'elle a le temps d'accomplir tellement de choses. Elle a pas Instagram, elle a aucun compte sur les réseaux sociaux. La seule place où elle va partager, par exemple, ses recherches ou ses constatations, bien, c'est sur son site internet qui est Physics Girl. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est physicsgirl.com. Je suis allée faire un coup d'œil, je suis allée jeter un petit coup d'œil. Il n'y a pas grand-chose que j'ai compris, je vais vous accorder, considérant le fait que la gravitation et moi, c'est deux sujets bien différents. Et on parle évidemment d'une jeune fille qui pourrait, à ce moment-ci, bouleverser la façon dont les gens voient le monde. Je cherchais qui elle a attiré l'attention de qui ce jour-là en amenant ses plans dans les bureaux du MIT. Eh bien, elle a retiré l'attention de Peggy Uden, qui est la secrétaire exécutive du MIT, et c'est elle qui a décidé de lui faire passer automatiquement son examen pour savoir quelle note est-ce qu'elle aurait. Donc, à ce moment-là, elle est devenue une future physicienne et on a décelé son potentiel. Et aujourd'hui, comme on le disait, on travaille sur les nouvelles théories autour des problèmes les plus complexes de la physique quantique. On est passionné encore des trous noirs, de l'espace-temps, et on s'intéresse de très très près à la gravité quantique. C'est un domaine qui tente d'unifier en fait la mécanique quantique et la relativité générale. Et ça passe pas inaperçu tout ça parce que ses travaux évidemment sont faits sur un campus universitaire. Elle est observée, on parle d'une jeune femme de 23 ans en physique qui fait bouger les choses. Donc on a eu plusieurs entrevues dans les médias, mais comme je le disais, à part ces entrevues-là, on n'a pas nécessairement entendu parler d'elle beaucoup parce que pour elle, passer inaperçu, c'est bien correct. Mmh. Elle se concentre à faire ce qu'elle a à faire et on y va selon nos publications, on y va selon nos constatations. À part ça, il n'y a pas grand-chose de très important pour cette fille-là. On ne veut pas être déconcentré par des choses aussi inutiles. Exactement. Elle dit quand vous êtes fatigué, on dort. Et quand vous n'êtes pas fatigué, on fait de la physique. Oui. C'est une fille qui est passionnée de ce qu'elle fait. Physique. Exactement. Et c'est exceptionnel à bien des égards parce qu'elle représente aussi une tendance croissante. Par exemple, en 1999, le nombre de personnes qui étaient rendues diplômées en physique était à son niveau le plus bas aux États-Unis. On avait seulement 3178 diplômés en 1999. En 2015... La fille, elle avait 6 ans, juste en passant. Oui, c'est ça. Selon l'American Institute of Physics, on est rendu à 8081 diplômés. Donc, on a déjà une croissance qui est de plus en plus grande du côté de la physique. Et hier, je vous parlais de la nouvelle femme qui va être justement représentante du côté de la physique au Canada. Bien, c'est un petit peu la même idée. On y va avec l'esprit de pouvoir se dire qu'on pourrait être à un certain point un modèle pour les jeunes filles. Et comme on le disait, c'est une tendance croissante, notamment à cause du nombre qui est toujours plus croissant d'inscriptions féminines dans les cours de physique. Et Sabrina Pastorsky, elle suit aujourd'hui les traces de Marie Curie, la mère de la physique moderne, qui a été la première grande femme gagnante du prix Nobel dans toute l'histoire de la science. Donc, on observait pour Marie Curie, à son époque, la compréhension du monde naturel, mais on n'était pas la seule. Donc, à une époque où les mathématiques représentaient un métier d'homme, entre guillemets, Ada Lovelace, elle, a appris les bonnes manières aristocratiques, mais par la suite, ça s'est poursuivi par une passion qui est devenue plus tard l'informatique. C'est un petit peu la même chose qu'on fait avec Sabrina Pastorsky. On essaie de toujours tourner autour de la physique, sans avoir trop l'air de vouloir pousser. Parce qu'on veut pas non plus être pointé du doigt sur des choses qui pourraient nous être prises. Si c'est nous qui réalisons quelque chose, on veut vraiment que ça soit nous qui soit pointé comme étant quelqu'un qui a réussi à trouver une solution. On veut pas que ça passe inaperçu à ce moment-là. Donc, cette fille-là pourrait très bien se retrouver à être la nouvelle Einstein, parce que c'est bien d'obtenir de la reconnaissance, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est la première chose qu'elle se dit le matin en se levant, pour aller justement étudier la physique. Et c'est une modestie qui rime évidemment avec génie, on s'entend. Si on est qualifié à l'âge de 14 ans comme étant la nouvelle Einstein ou ayant le potentiel de devenir la nouvelle Einstein, la pression et que 8 ans après, bien, tu commences à pouvoir justement dire que les gens qui disaient ça avaient pas tort de le dire. C'est pas pire. Ça fait de toi pas mal une génie à 22, 23 ans. Et depuis toujours, bien, tu nourris cette passion-là. Tu veux que tout ce qui est avion, tout ce qui est moto, tout ce qui est particulièrement espace aussi, ça reste dans ton domaine. Quand t'es passionné, bien, on va prolonger nos recherches, on va travailler beaucoup plus fort, on va travailler sur les thèses. Et présentement, bien, elle travaille sur la thèse, sur le tissu de l'espace-temps. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus précisément la gravité quantique. Et cette fille-là, bien, elle passe ses journées dans des labos de recherche, dans des labos d'ordinateurs, à chercher, à faire des essais. Et c'est une thèse qui est aussi compliquée qu'elle est cruciale, en fait, parce qu'on arrive à résoudre la relation entre physique quantique et théorie de la relativité générale, chose qu'on a toujours voulu faire du côté de la science, du côté de la physique, et qu'on n'a jamais nécessairement réussi à élaborer. Donc, les scientifiques qui sont penchés sur cette thèse-là n'ont pas encore, à ce jour, réussi à réaliser son unification. Puis elle arrive à l'âge de 23 ans, puis elle pourrait résoudre tout ça. Écoute, c'est pas pire, hein? Moi, je me dis que, bon, c'est un bon modèle. Je fais de la radio. C'est ça. Non, mais c'est un bon modèle. Ouais. Puis, on n'est pas les seuls à penser que c'est un bon modèle ou qu'elle est très, très convoitée, parce qu'en fait, le fondateur d'Amazon et de Blue Origins, qui est un spécialiste du développement de l'aérospatial, aurait déjà fait une offre de poste à la jeune femme qui, pour l'instant, n'a pas retenu une proposition. Elle ne trouvait pas ça nécessairement alléchant. Ah, elle n'a pas fini ses recherches. Elle est modeste, elle est discrète. Et comme je le disais, elle s'exprime juste sur son site physicsgirl.com. Et vous pouvez aller voir parce qu'elle a partagé ses avances, ses compétences. Mais vous ne pouvez pas la follower sur Twitter ou Facebook. Parce que c'est pour les losers, les médias sociaux. Écoute, si tu veux avoir une chance avec cette femme, tu peux y amener une barre de chocolat, c'est son penchant. Ah, cool. Elle a sûrement une adresse courriel sur son site web ou un numéro de fax. Écoute, hein? Probablement, si tu regardes son CV, c'est... ouais, elle a un pagette dessus sûrement aussi. Ouais, c'est ça. Elle est allée à une école spéciale pour les enfants seniors. Ben oui. Hein? Je me sens vraiment légèrement stupide. Ah, faut pas trop se comparer comme Écoute, ça. Écoute, elle a été là de 1998 à 2013. Mm-hmm. Donc, du moment qu'ils ont réalisé qu'elle avait un potentiel pour tout ce qui était aérospatial et tout ça, j'imagine que ses parents se sont dit « Je pense qu'on va l'inscrire à une école de surdoués. Ouais. » Elle a jamais été malade ou absente. Fort. Jamais malade ou absente. Écoute. Juste cette année, je pense que j'ai manqué comme beaucoup trop fort. C'est ça. Ouais, c'est ça. On n'a pas le même... Elle est forte. Elle a terminé son candidat au PhD physics à Harvard avec un A+. Ouais. Juste ça. C'est, ouais, moi j'ai de la misère à comprendre mon cours. Ouais. On pourrait en parler longtemps, des gens qui sont plus intelligents que nous autres. C'est ça, exactement. On va pleurer en ondes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, on se penche justement sur le journal des hautes énergies physiques. C'est une grande dame dans un petit corps. Bon, on la salue. Oui, tout à fait. Rappelle-nous son nom. C'est Sabrina Gonzalez-Pasterski. Voilà, et sur physicsgirl.com. Exact. Merci, Tania. Fait plaisir. On va écouter dans un instant une pièce qui a rapport avec ce que tu as dit, mais avant ça, j'avais envie d'entendre un extrait. De... Mmh. Hein, imaginez si on avait un réalisateur qui aurait pu nous couper directement le refrain à la place d'avoir à attendre une minute avant que ça commence. Ça a été merveilleux. Hein? Tiens, la fille, elle aime la science. Elle aime les planètes. Elle aime notre galaxie. Donc, retournons une deuxième fois dans le passé pour entendre une autre pièce qu'on a adorée cet été. C'est celle de Jen Grant. Voici Galaxy tout de suite à Assemblage Requis sur C'est Fou. Tricks of time, out on the road, screaming like my lungs on fire. Do you see me laughing with my love wide eyed? Thought made of everything getting a tie. Why not we made up? Crisscrossing out of luck. Tears keep falling. I say my dreams are out of touch. For us, my baby keeps me on the good stuff. Jen Grant et Galaxies à Assemblage Requis. Au retour de la pause, Tania, mets ton doigt sur le buzzer! Oh, bzz, bzz. Parce que ce sera le vrai, le faux, restez là. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Ça fait littéralement comme 45 secondes que j'envoie les mains devant Tania pour qu'elle me regarde. Oh, pardon! Elle était tellement concentrée. Oui. Contrairement à la madame de tantôt, là, la fille, qui était jamais sur Facebook, qui était tout le temps ouais. sur... Toi, t'étais en train de checker ça vraiment intensément. Là. Ah non, c'était pas Facebook, non. J'ai checké. Je répondais à quelqu'un qui m'écrivait, en fait. Qui parlait de ta chronique? Non. Non? Qui parlait du relais pour la vie. Oh, cool. Oui. trop curieux. Tania, c'est le moment de jouer un peu ensemble. Ah ouais? Ouais, ça va être le fun, je pense. D'accord. On va se découvrir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, dans le vrai et le faux. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations. Deux ou trois mots à la radio et sur Internet, une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux, la chronique où on décide, oui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans les informations du moment. Bien sûr, on connaît tous l'expression des fake news. Mm-hmm. On essaie de passer au travers de ça parce qu'il y en a pas mal. Oui, il y en a, il y en a. Ouais. Les gens ne savent pas départager ça sur Facebook et partagent des affaires alors qu'ils ne devraient pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Commençons par des rats, Tania. OK. Attends, avant de commencer avec les rats, il faut déterminer enfin une fois pour toutes comment le score fonctionne. Ouais. Je crois que t'es... Ça me prend un crayon pour noter le score. T'as plus d'expérience Mathieu? Que moi par rapport à ça, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, ça fait plaisir. On a vraiment bien fait ça. Oui, je sais. Il a fallu filmer ce danser. Wow. En plus, c'est de ma main gauche. C'est malade. J'ai attrapé de la main droite. C'est incroyable. Donc, c'est ça. Il y a des fois où je t'ai donné des points pour la bonne réponse, sous ça des points pour la mauvaise réponse. Ouais. Il y a des fois où je t'ai donné des points pour la bonne, mais rien fait avec les mauvaises. Qu'est-ce qu'on fait? Là, la dernière fois, on a mis un point à chaque bonne réponse. C'est vrai. Il me semble qu'on a enlevé un point à chaque mauvaise réponse. Est-ce que c'était plus facile de faire ça et de calculer le nombre de nouvelles au total? Ou est-ce qu'en mettant un point dans la colonne des oui et un point dans la colonne des non, au moins le total pour pouvoir faire un pourcentage? Je pense qu'on va y aller en enlevant des points. Enlevant des points. Si jamais c'est faux. Parfait. Ouais. Mais il faut compter si pour, jamais savoir, j'ai tort, ouais. Pour savoir ta note, il faut savoir combien on a fait de nouvelles. Oui. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. OK. J'ai noté le nombre de nouvelles. C'est bon. OK. OK. On commence par les rats, comme je l'ai dit tantôt. OK. Donc, est-ce que c'est vrai que les villes les plus importantes ont une population de rongeurs qui est équivalente à un rat par personne? On entend souvent cette rumeur-là. Ouh! Est-ce que aux c'est États, vrai? Ça? Aux États-Unis. Est-ce qu'un rat par personne dans une ville majeure comme, disons, New York? C'est immense. Je veux dire que c'est faux. C'est en effet faux. Yes! C'est en effet faux. Donc, les rats qui sont bien sûr intelligents, propres, silencieux, sociables et même remplis d'affection, en tout cas ceux qu'on regarde comme animaux de compagnie. Il y a des gens qui sont quand même répugnés par tout ça. Les rats vivent là où les humains vivent, étant donné que la présence de l'humain crée une abondance de nourriture et de place pour pouvoir se loger. La statistique, donc, on dit un rat par personne, eh bien, c'est complètement faux. On ne sait pas combien il y a de rats exactement dans les grandes villes. On peut pas déterminer ça. La statistique, en fait, est complètement fausse. Ça vient en fait d'une étude sur les rats conduite en Angleterre par W.R. Bolter, publiée en 1909 sous le titre The Rat Problem. Il était allé dans la campagne, lui, et il avait trouvé ce chiffre-là comme un petit peu au hasard. Il avait dit, bon, OK, moi, je pense, selon mon expertise, un rat par personne. Mais il n'y avait pas aucun chiffre derrière ça. Quelle déduction, rien. Ma foi! Quelle déduction incroyable! Donc, voilà, c'est complètement n'importe quoi. Ensuite, est-ce que c'est vrai que Facebook a fermé une expérience d'intelligence artificielle parce que les chatbots qu'on avait créés, donc des robots qui se parlent des intelligences artificielles qui se parlent par chat, avaient développé leur propre langage? Ça fait le tour des médias. Je me rappelle ne pas en avoir parlé au Mathieu Planchot parce que je trouvais ça inutile. Est-ce que c'est vrai ou faux que les chatbots ont créé leur propre langage et Facebook a dû arrêter le projet? C'est faux! C'est en effet faux. C'est en effet faux, Colin, t'es très bonne. Donc, c'est ça, ça dit que, bon... Je suis très compétitive ce matin. C'est fou, hein? C'est fou. Donc, ça partit d'un blog, d'un billet de blog le 14 juin par l'équipe d'intelligence artificielle de Facebook, FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research, qui décrivait donc les agents de dialogue, les systèmes d'intelligence artificielle qui sont faits pour communiquer avec les humains. Donc, on avait déterminé, selon différents articles, que les bots se communiquaient ensemble via un langage privé. Ça a reçu le traitement sensationnaliste des médias. Évidemment, l'été, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est ça. Ça dit que les risques posés par... est-ce que c'est Elon Musk? Oui, c'est Elon Musk qui a fait ça. Qui a parlé que l'intelligence artificielle était une menace existentielle à la civilisation humaine. C'est ce qui a donné de l'ampleur avec ces citations-là, à cet article-là. Mais en tant que tel, on est allé un petit peu trop loin. Ça dit donc que... qu'ils se sont inventés des mots code, si on veut, les agents de chatbots, mais c'est pas allé jusqu'à créer leur propre langue. Bon. Bon. Voilà. Mensonge. Mensonge. Ensuite, on va en Allemagne. Est-ce que c'est vrai qu'un randonneur en Allemagne, introuvable depuis 1987, a été trouvé dans un glacier suisse? Sur un glacier suisse. Hein? En sur Allemagne. Un glacier ou dans un glacier? Trouvé à... Dans... Attends, est-ce que c'est dans... Ça dit dans un glacier. OK. Suisse. Oui. Ah, là, là, là, là. Il est disparu depuis quand? Depuis 1987. Puis il vient d'être retrouvé. Oui. Il y a 3 décennies. Je veux dire faux. C'est vrai. Hein? La police dans le sud-ouest de la Suisse a trouvé donc un skieur alpin. Ouais. Donc on a trouvé ce randonneur allemand qui était donc introuvable depuis presque 3 décennies. Le département policier a dit que les restes, évidemment, de cet homme non identifié... OK, il était pas vivant. Non, c'est ça, non. ...ont été trouvés donc, après que 2 randonneurs, à la semaine passée, aient trouvé une paire de souliers qui sortaient du glacier de Holob à 10 km à l'est du Matterhorn, très célèbre. Les tests de laboratoire ont identifié donc l'homme décédé dans la mi-quarantaine. Il était perdu depuis le 11 août 1987. Et le porte-parole de la police a dit que la famille a été informée en suite. Donc, il y a plusieurs personnes, évidemment, qui se perdent avec le temps, mais d'habitude, on les trouve, on a tendance à les trouver assez plus rapidement que ça, en tout cas, au moins. Ouais. On dit aussi que récemment, des autorités ont trouvé le corps d'un couple suisse, presque 75 ans après qu'ils aient été perdus sur le glacier de Saint-Fleuron, à 70 km de Holob. On dit que Marceline Oudry Dumoulin, la fille survivante de 79 ans de Marcelin Dumoulin et sa femme Francine, disait que ses parents étaient partis à pied nourrir leurs animaux de compagnie le 15 août 1942, mais ne sont jamais revenus. Mon Dieu, c'est tragique. Oui. Ensuite, est-ce que c'est vrai que le Pepto-Bismol contient du xylitol, qui est très mauvais pour les chiens? Un substitut du sucre, le xylitol, ce serait mal pour les chiens de leur donner ça? Ben, moi, je vais y aller avec vrai, là, parce que... Qui donne du Pepto-Bismol à son chien? J'avoue, mais c'est quoi le lien? Ben, si c'est mauvais pour les chiens, donne-le pas à ton chien. Ouais, mais si on le savait pas, ça aurait pu. Mais non, c'est faux. T'as raison, c'est faux. C'est mais tout j'ai dit que c'était vrai. T'as dit que c'est... Ben, c'est ça, c'est faux. T'as dit que c'était vrai, puis je voulais... Ouais, hein? Quoi? T'as dit que c'était vrai, puis c'est faux? Fait qu'il faut que tu t'enlèves un point, c'est ça? Ben là, attends, okay. Là. Non, c'est faux, en fait, la nouvelle. Il n'y a pas de... OK, il n'y a pas de ça. Il y a du xylitol... Attends, c'est pas... Mais c'est pas mauvais pour les chiens, c'est ça? On dit donc en août 2017, les rumeurs sortaient sur les réseaux sociaux que les fabricants de l'anti-acide Pepto-Bismol avaient ajouté un nouvel ingrédient, le xylitol, un édulcorant artificiel potentiellement fatal pour les chiens. Le xylitol est un substitut pour le sucre qui, en effet, est mauvais pour le chien et ça peut causer des problèmes partout dans son corps, mais il n'y en a pas dans le Pepto-Bismol. Ça n'en contient pas. Un porte-parole de Procter & Gamble a dit qu'il pouvait confirmer qu'il n'y avait pas de xylitol dans aucune formule du Pepto, qu'il soit en solide ou en liquide, que ce soit les pilules ou les sirops. Et ils n'ont aucun plan de mettre du xylitol dans leur Pepto-Bismol. OK, ben, je suis de retour à zéro. T'es de retour à zéro. Good. Et tu m'excuseras si je suis pas, hein? C'est correct. Je te laisse suivre quand j'ai des bonnes comme ça. Est-ce qu'un homme en Suède est mort après une chirurgie pour améliorer son pipi? Son pénis. Hi, est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce qui s'est mal passé? C'est un homme à Stockholm, en Suède, qui est mort d'une embolie, ça dit fat embolism. OK. Après avoir vécu donc une chirurgie pour grossir son pipi. OK. Le 31 juillet 2017, un homme de 30 ans. Est-ce que tu as assez de détails? Je vais dire que c'est vrai. C'est vrai. Yes! Une histoire extraordinaire et on a donc vérifié sa véracité chez Snopes.com. BuzzFeed avait publié une nouvelle 2 jours précédemment avec un grand titre qui disait « A penis enlargement killed a man in Sweden ». Donc évidemment, ça avait l'air un petit peu sensationnaliste comme bien d'autres nouvelles. Mais dans ce cas-ci, c'est complètement vrai. Ça s'est passé, ça a été publié le 27 juillet 2017 dans Journal of Forensic Sciences, un journal académique publié par l'American Academy of Forensic Sciences. Ça décrit donc un homme de 30 ans à Stockholm en Suède, sans aucune historique médicale d'importance au passé, à part un petit peu d'asthme, qui est donc allé là pour une chirurgie qui est normalement assez sécuritaire. Donc on enlève par suction du gras de son abdomen et on injecte ça dans le pénis. Vers la fin de la chirurgie, son rythme cardiaque a augmenté de façon anormale. Et les chirurgiens ont observé une faible pression sanguine et de faibles niveaux d'oxygène dans le sang. Une demi-heure plus tard, l'homme est arrivé en arrêt cardiaque et 78 minutes plus tard, il a été prononcé mort. Une autopsie lors de l'autopsie, la cause de la mort était finalement le fat embolism. En tout cas, ça, là. Ce qui voulait dire que du gras était entré dans son sang et s'était rendu au poumon, ce qui a causé un blocage fatal à ce moment-là. Ouf! Wow! Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un homme en Argentine est mort en retenant un pet? Hein? Tu peux-tu mourir de ça? J'y vais dans les sujets assez gras aujourd'hui. Mon Dieu, attends. Donc, ça se passe en Argentine. Un homme qui est mort de péritonite après avoir retenu ses gaz pendant une visite chez la copine de sa mère, si tu veux les détails. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il est mort. Je vais dire c'est vrai et c'est faux. OK, donc. Vrai ou faux? Ben, si tu veux un des deux, m'a t'enlever ou te remettre 0.5 points, ça me dérange pas pour toi. Ouais. Tu pourrais faire ça à chaque question aussi. Ouais, c'est ça. Je vais dire que c'est vrai. C'est faux. OK. Est-ce que t'es dans les mois? Ça va mal à matin, ça va très très mal. Il y a des jours là où t'as des scores incroyables. Ouais. Pas aujourd'hui. Donc, le 3 août 2017. J'ai goût d'être innocente un matin, c'est pour ça. C'est ça, on s'entend là-dedans. On fait juste passer le temps ensemble jusqu'à 10 heures. Non, c'est pas vrai. Le 3 août 2017, le site web satirique 8shit a publié donc un article qui parlait d'un homme en Argentine qui était mort après avoir retenu ses pets pendant une visite chez la copine de sa mère. L'article cite un docteur Jesus Cazares disant que sa mort était causée par la péritonite, donc le diverticula du gros intestin. Le nom de famille de cette personne-là, en fait, est un mot offusquant, dérangeant en espagnol, genre « face de pète », si on veut. Et l'article est rempli de faussetés, donc le site web se décrit comme un site de satire et d'humour. J'ai pas besoin de vous continuer les détails, là. On dit un petit peu l'origine de certains noms ou photos dans l'article, mais on s'en fout un petit peu. En gros, c'est faux et c'est d'un site satirique. Bon. Ah, bon, d'accord. Ensuite, est-ce qu'un adolescent australien a été attaqué par des insectes à la mer, des insectes qui mangent la peau? Hein? Mon Dieu. Ce serait un garçon de 16 ans mordu par des puces de mer. Mais il est pas mort, là. Non. OK. Non, il a été amené, dit-on, à l'hôpital avec du sang qui lui coulait des pieds après avoir été attaqué en se faisant tremper les pieds dans l'eau d'une plage de Melbourne. Je veux dire que c'est vrai. C'est vrai. Yes. Wow. Donc, c'est un adolescent australien. Moi, j'en ai toujours une sur deux, là, présentement. À date, t'as ta moyenne. C'est ça qui me tue. Ouais. Donc, un adolescent australien, oui, qui a trouvé ses jambes remplies de sang, incapable d'arrêter le saignement après avoir trempé ses pieds dans l'eau. Il y a un élément de fausseté, par contre, je dois le dire, mais je t'enlèverai pas de points pour okay, ça. OK, merci. Les scientifiques marins ont conclu, oui, que ces bestioles-là étaient des sea fleas et non pas des sea lice. Lice, c'est des poux de mer. Okay. Donc, on dit que c'est des sea fleas, donc des puces de mer. Ça date du 6 août 2017 dans le Daily Mail Australia. Évidemment, grand titre, super sensationnaliste. Un adolescent amené à l'hôpital avec du sang qui coule de ses pieds après que des insectes mangeuses de chair aient attaqué alors qu'il nageait sur une plage c'est de Libourne. Donc, l'article parle d'un incident d'un garçon de 16 ans, Sam Canissé, qui a décidé de tremper ses jambes dans l'océan après avoir joué au soccer. Lorsqu'il a enlevé ses jambes de l'eau après environ 30 minutes, elles étaient couvertes de sang. Le Daily Mail s'est accroché donc à cette théorie des on disait à l'époque des poux de mer, en ajoutant même quelques informations sur ça. Mm-hmm. Mais le Sydney Morning Herald a plus tard dit qu'un scientifique marin, Jennifer, G-E-N-E-F-O-R. Ah, OK. Jennifer Walker-Smith a examiné ces insectes en question et finalement, ce sont des crustacés amphipodes qu'on appelle aussi des sea fleas, donc des puces de mer. Et Canisé devrait s'en remettre complètement. Le segment, par contre, excessif reste mystérieux. On suggère que peut-être qu'ils avaient injecté les puces un anticoagulant dans leur nourriture pour un anticoagulant dans leur nourriture pour empêcher le sang de faire des caillots. Donc j'imagine jusqu'à la nourriture que les puces doivent manger. Je suis pas super au courant, mais bon, bref. Ensuite, est-ce que les températures à 62 degrés Celsius au Koweït ont fait que les arbres ont pris en feu? Oh. 62 degrés Celsius, une série d'images, des photos sur Internet qui montrent donc des arbres et des poteaux de lampadaires en feu parce qu'il fait si chaud. 62 degrés Celsius. Ça fait 143,6 degrés Fahrenheit. Ça serait passé en juillet 2017. Est-ce que tu peux me répéter la place? C'était au Koweït. Puis ils disent pas quel genre d'arbre. Ils disent des poteaux lampadaires, des street lights. OK. Et des arbres. Entre autres, moi, je vois des photos de... Je crois que c'est des palmiers. OK. Je vais dire... Ah, je suis vraiment pas certaine. Je vais dire que c'est vrai. C'est faux, en général. Donc, en juillet 2017, les gens sur les réseaux sociaux ont partagé des vidéos et des images d'arbres qui brûlaient et des lampadaires. Résultat, donc, supposément, de la vague de chaleur au Koweït, 62 degrés Celsius, comme je l'ai dit. Pour commencer, une journée à 62 degrés Celsius n'a jamais été enregistrée dans l'histoire. La plus haute température enregistrée jusqu'à maintenant, depuis qu'on tient des dossiers là-dessus, selon la World Meteorological Organization, était de 56,7 degrés Celsius, ou 134 degrés Fahrenheit, le 10 juillet, en 1913, à Furnace Creek, en Californie. Ça porte très bien son nom, la crique à la fournaise, Furnace ben Creek. Oui, hein? La plus haute température au Koweït, 54 degrés, a été enregistrée à Mitraba en juillet 2016. La vidéo des arbres qui brûlent est probablement réelle, nous dit l'article. Par contre, ces feux-là n'auraient pas été causés par des températures à 62 degrés. Ouais. En fait, en juillet 2017, on a vérifié, la température était autour de 50 degrés Celsius. Donc voilà, la vidéo en fait, nous dit-on, vient de Madina en Arabie Saoudite. Il montre un palmier qui aurait été frappé par l'éclair. C'est pour ça qu'on a du feu dedans. Est-ce que boire des cocktails dans une tasse de cuivre peut causer un empoisonnement? Et notre prochaine question, vrai ou faux? Donc, boire un cocktail dans une tasse de cuivre peut causer un empoisonnement. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Je vais dire que c'est faux. En fait, c'est un mélange entre vrai et faux. Je te donne un demi-point. Yes! Et je te retire un demi-point. Ah! Donc, t'as rien. Les boissons acides, en réalité, causent la corrosion dans la tasse, ce qui peut s'échapper et ensuite aller dans la boisson, ce qui va augmenter le niveau de cuivre à l'intérieur de la boisson, ce qui pourrait potentiellement causer un empoisonnement par cuivre et avoir des symptômes associés à ça. Ce qui est faux, par contre, c'est qu'on ne sait pas combien de temps un cocktail devrait être dans une tasse de cuivre et combien de verres quelqu'un devrait boire pour commencer à ressentir les symptômes. Étant donné que c'est très très léger. Et ce qui n'est pas déterminé, c'est le taux auquel le cuivre de la tasse s'échappe et ensuite entre dans la boisson versus différentes acidités, différents niveaux d'acidité. Donc l'article date de août 2017 où on a partagé ça sur, dans plusieurs articles. Et ça explique que la Food and Drug Administration aux États-Unis interdit les boissons ou les nourritures avec un niveau de pH en dessous de 6, c'est-à-dire relativement acide pour la nourriture et pour les boissons, en contact avec le cuivre. On dit donc dans des restaurants ou des bars qu'il y aurait des verres de cuivre. Le raisonnement derrière ça, selon la page 485 du FDA, c'est qu'il y a un risque très léger, mais défini quand même, donc assez, assez important. Ou s'il y avait des concentrations élevées de cuivre, ce serait pas bon pour les gens. Donc, en tant que tel, on les empêche de le faire, mais les chances sont minces. Okay. Donc, en gros, 55. Ensuite, fait que j'ai pas de points. T'as pas de points. Mais en même temps, j'ai juste fait ça pour être drôle. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'une civière qui avait une personne décédée dessus est tombée dans du camion de l'ambulance et est partie dans le trafic? Est-ce que les officiers ont dû détourner un petit peu le trafic pendant que le coroner enquêtait là-dessus et pour pouvoir remettre la civière dans... en fait, c'est pas une ambulance, c'est une vanne. OK. Une genre civière, la vanne de la morgue. Probablement, c'est pas spécifié dans le premier paragraphe. Je veux dire que c'est faux. En fait, c'est vrai. Taboy. La police, oui, dit qu'il y avait effectivement un corps mort sur une civière qui est tombée de l'arrière d'un... Oui, c'est le van d'un coroner dans le trafic. Donc, c'est The Olympian qui dit que la van retournait au bureau du coroner après avoir... c'est ça. C'est le département policier de Olympia qui dit que c'est tombé de la van à l'intersection de Martin Way East et Phoenix Street South East avec une personne décédée dessus. On a retrouvé la civière à l'intersection. Et il y a une deuxième civière, en fait, qui a roulé dans la rue et qui a été trouvée dans un stationnement. Donc, il y avait deux civières. Alors, on a détourné le trafic, en effet. Le bureau du coroner a reçu un appel téléphonique. Ils ont pu recharger donc, les civières dans la van. Et puis le coroner Gary Warnock de Thurston County dit qu'une enquête a été démarrée, débutée pour trouver la cause de l'incident. On dit qu'il n'y a pas eu de plus de traumatisme au corps et que la famille a reçu donc l'appel aussi pour leur faire dire que ça avait eu lieu. En même temps, la personne est déjà morte, ça change pas super grand chose, mais ça aurait pu être pire. On aurait pu gâcher le corps, il aurait pu se faire accidenter de différentes façons. Donc voilà. Pour cette nouvelle-là. Ensuite, on se charge d'un autre groupe de nouvelles. Allons-y avec des bijoux. Tiens, est-ce que c'est vrai qu'une compagnie de bijoux change des embryons humains en bijoux? Ça se passe en Australie. Une compagnie de bijoux qui fabrique ça à partir d'embryons humains qui n'ont pas été, ben évidemment, qui, les embryons se sont pas rendus plus loin que ça. Ça veut dire que c'est faux. Bon, attends, Tania, t'as vraiment pas de talent aujourd'hui. Parce que j'espérais vraiment que ça soit faux. Malheureusement, c'est en général assez vrai. Il y a un petit peu de faux dedans, mais quand même, c'est majoritairement vrai. Donc, c'est un bijoutier australien qui offre aux parents des bijoux avec les cendres, en fait, de l'embryon laissé derrière avec la fertilisation in vitro. Ce qui est faux, par contre, c'est, et là, ça t'affecte absolument pas, mais c'est dans l'article, la photo qui montre la femme avec des boucles d'oreilles fabriquées à partir de fœtus intacts. Ça, la photo est fausse. Donc, pour les gens qui pourraient aller voir l'article, ça, c'est faux, mais bon, ça change rien à tes points. C'était plusieurs sites web remplis de clickbait qui ont commencé à parler de ça le 9 juin dernier, qu'une compagnie australienne nommée Baby Bee Hummingbirds vendait des bijoux fabriqués à partir de fœtus humains, ce qui a évidemment outré bien des gens. L'histoire est vraie. Une entreprise australienne, effectivement nommée Baby Bee Hummingbirds, a été créé une ligne de bijoux. Les parents donc reçoivent les restants d'une procédure de fertilisation in vitro. Donc, les embryons sont, comment t'appelles ça, là, incinérés et incorporés dans des bijoux comme des bracelets, des boucles d'oreilles, des pendentifs. Ah, mon Dieu! Donc, voilà pour Baby Hummingbirds. Ensuite, on est toujours dans le vrai le faux, où on détermine qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, avec l'aide de Tania Baudin, ouais, qui jusqu'à maintenant a un score assez neutre. Et assez pathétique. Parlons de notre ami préféré, le fameux docteur président Trump. Oui, ben oui, ce fameux président. Est-ce qu'il a volé, tu te rappelles cet été, sa réplique « Fire and Fury » Ouais. Qui a dit c'était quoi contre la Corée du Nord? Il me semble. Hein? Bon. Est-ce qu'il aurait volé cette réplique-là d'un vilain dans une bande dessinée? Ses commentaires sur la Corée du Nord plagiés d'une bande dessinée, si tu veux savoir laquelle, c'est Captain America. Ce serait pas dans le droit de faire de recherche, hein? Pas le droit de faire de recherche. Et je continue avec d'autres détails, si tu veux, pour que ça ait l'air plus, de plus okay. en plus vrai. ça viendrait de la bande dessinée numéro 370. C'est faux! En 1990. C'est en effet faux! Yes! Bravo! C'est faux. Donc, le 8 août 2017, le président Trump a évidemment envoyé un avertissement à la Corée du Nord, disant qu'il allait, bon... Fire and Fury, le feu, la furie, peu importe, s'il y avait d'autres menaces contre les États-Unis. Il y a une image qui a fait le tour d'Internet en utilisant la couverture de Captain America numéro 370, mais c'était une création moderne, en fait. Ça a été ajouté après que Trump ait fait ses commentaires. On a modifié une bulle de la bande dessinée pour mettre ces mots-là. Enfin. Ensuite, est-ce que c'est vrai, Tania, qu'un garçon s'est inséré une fourchette dans le nez? Et là, je vais te montrer... Je vais te montrer juste la photo sans te montrer si c'est vrai ou si c'est faux. On voit ici un garçon avec une fourchette dans son nez. Donc, ça passe à travers le dessous de son nez, ça va vers le haut. OK. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh mon Dieu. C'est où? Ça se passe en... Attends un petit peu. Je cherche. À Minneapolis, dans un restaurant chinois, un buffet chinois. Dans un buffet chinois? Ouais. Oh boy. En juillet 2007. Pas 17, 7. Puis c'est passé au travers, là. C'est passé au travers, là. Je veux dire que c'est faux. C'est vrai! Oh my God! Oui! Un garçon qui a réussi à se faire, est-ce qu'on dit, impaler, c'est ça, une fourchette dans le nez. La photo est tout à fait vraie. C'était pris dans la salle d'urgence ou encore au bureau du médecin, peu importe, le montrant donc avant son traitement médical. Et il y a une deuxième photo qui le montre un petit peu de temps plus tard après que la fourchette ait été retirée. Et on le voit avec ses pointitures sur le nez. C'est cute quand même, le pauvre petit garçon. Ben là, c'est à lui de faire attention. Ben c'est ça. Ils ont pris contact chez Snopes avec la mère du garçon qui a confirmé que c'était tout à fait vrai. Ça s'est passé le 11 juillet 2007 à Minneapolis dans un restaurant chinois. Hey, faut que tu sois déterminé de passer une fourchette au travers de ton nez. Non, mais je vais t'expliquer un petit peu les détails, justement. Il grimpait sur la banquette et il est tombé alors qu'il avait sa fourchette dans les mains. Tu sais, on dit de pas courir avec des ciseaux. Ben, courez pas ou marchez pas avec une fourchette dans les mains non plus. Le serveur est allé le prendre dans le dessous de la table, garçon. Ouais. Et là, on a vu qu'il y avait la fourchette à travers le nez. Oh mon Dieu, tu capotes-tu pas en tant que serveur? Mais ça. Il y avait juste un petit peu de sang, par contre, parce que les pics de la fourchette ont raté le cartilage de son ouais. nez. Donc, la photo vient vraiment de la salle d'urgence. Et les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça avant. Une fourchette qui passait complètement à travers le nez. Ben, là, moi non plus. Ils ont gardé en souvenir la fourchette. Non, pas vrai? Pour pouvoir lui montrer quand il va être plus vieux. Ils ont gardé les photos aussi. Ils ont envoyé les photos par courriel à leur famille. C'est pour ça que ça s'est retrouvé sur Internet. C'est fou, hein? Wow! Continuons dans un autre domaine, toujours dans le vrai le faux. Okay. Est-ce que c'est vrai qu'un membre du Ku Klux Klan ouais. A été traité par une équipe d'hôpital noir. T'as sûrement vu cette photo-là passer sur Internet depuis des années. Est-ce que c'est vrai? Tu te rappelles, vous avez sûrement vu sur Internet, donc c'est sur une civière, il y a un membre du KKK avec son petit chapeau, là, et des membres d'une équipe complètement noire qui sont en train de l'opérer Ça a fait le tour là, depuis vraiment super longtemps. Est-ce pour que c'est vrai? L'absurdité de la chose, je veux dire que c'est vrai. C'est faux. C'est vraiment faux. On pourrait penser, en fait, que c'était un membre du Ku Klux Klan traité par une équipe complètement noire à l'époque de Jim Crow et la ségrégation, etc., etc. Mais non, l'idée, en fait, c'est que cette photo-là n'est pas une vraie photo historique. C'est pas cette série du genre. C'est en fait une capture d'écran de la série Salle d'urgence. Hein? Mais je te jure, le drame ER. Et le médecin qu'on voit au centre de la photo, c'est... attends un petit peu. Je m'excuse, Tania, je me reprends. OK. Ce n'est pas une photo historique et ce n'est pas non plus une capture de la série ER. En fait, non, ça vient d'ailleurs. Je m'en excuse. En fait, c'est une photo qui a été scannée d'une source imprimée. La photo a été, en fait, créée ou installée de toutes pièces pour une série de publicités dans le magazine Large pour les gens qui pensent plus gros que la réalité. Donc, okay. C'est une campagne publicitaire qui montrait donc des gens qui avaient l'air normaux et nobles avec des situations plutôt improbables. Donc, c'est une campagne publicitaire avec... On voit d'ailleurs la coupure du milieu de la page, le crease, là, l'espèce de reliure, si on veut, du magazine. Donc, voilà. Désolé pour d'avoir manqué le mot « nor ». Mais ce n'était pas non plus une capture d'écran. C'est correct. De sa urgence, mais bon. L'important, c'est de savoir que c'est faux. Ça ne change pas dans le sens que tu perds quand même un point. Mm-hmm. Hein, ensuite, est-ce que c'est vrai que Big Ben, tu connais... Est-ce que je perds des points, tu sais, je peux me rendre à moins quelque chose? Ben, si t'es aussi mauvaise que ça, oui. Ben, ce matin, je suis vraiment mauvaise. Travail. Ah, moi aussi, je suis mauvais pour les lire. Fait que présentement, je suis à moins 2. Et moi, je suis à moins 2 de lecture. Big Ben, l'horloge, ouais. Big Ben au Royaume-Uni, à Londres, en fait. Est-ce que c'est vrai que pendant 4 ans, Big Ben ne sonnera pas pour réparation? T'as peut-être entendu parler de ça quelque part. Vrai ou faux? Plus de bing-bong. C'est au Parlement britannique. Pendant 4 ans pour la restauration. Non, je te donne des détails pendant que tu penses. OK. Comme dans un quiz. Projet de restauration qui va durer 4 ans. Ça aurait arrêté le 21 août dernier pour protéger les travailleurs pendant les rénovations qui valent 38 millions de dollars. C'est vrai! C'est vrai! Bon, yes! Kirim, j'ai tellement dit de détails que ça pouvait pas avoir l'air autre chose que vrai. Hein? Donc, c'est sur la Queen Elizabeth Tower qui héberge donc Big Ben et son horloge. Ça devrait reprendre du service en 2021. Steve Jags, qui est celui qui s'occupe de la grande horloge, a dit que le mécanisme de l'horloge va être défait morceau par morceau et que ces quatre aiguilles vont être... quatre mécanismes vont être nettoyés et réparés. Ça pèse 13,5 tonnes britanniques ou 15,1 tonnes américaines ou 13,7 tonnes métriques. Il y a beaucoup de sortes de tonnes, hein, faut faire attention. Hein. Ça va être, la cloche va être nettoyée et vérifier. On va vérifier s'il y a des cracks dessus. Big Ben a déjà été arrêté plusieurs fois, en fait, depuis son arrivée en 1859. Mais ce projet-là, le plus récent, ça va être la plus longue période de silence jusqu'à maintenant. Les officiers du Parlement disent qu'ils vont s'assurer que la cloche va toujours sonner pour les occasions majeures, par exemple le jour du Nouvel An et le jour du souvenir. Le silence est un problème, par contre, pour la BBC qui diffuse les bing-bong chaque soir avant le bulletin radio. J'imagine qu'ils ont un enregistrement de ça qu'ils vont pouvoir utiliser. J'imagine, j'ai pas vérifié. Donc, on a aussi testé... Ah ben c'est ça justement, on a testé le son d'une cloche de substitution que le diffuseur va utiliser. Non, le diffuseur va utiliser un enregistrement, voilà. Ah, d'accord. On va arrêter là pour avoir le temps de faire autre chose dans l'émission. Donc oui, le reste va probablement suivre dans la prochaine chronique. Du vrai, du faux, le en vrai, effet. Le faux. Les notes sont sur assemblagerequis.com. C'est dans les notes de l'émission numéro 11-32 si ça vous intéresse d'aller voir ça. Merci Daniel d'avoir joué ton score. Ça fait plaisir, moins 1 sur 15 nouvelles. Fait qu'on aurait pu ne pas jouer finalement. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Exactement. Ce matin, c'était pourri. Il y a des semaines où elle a comme des 12 puis des 15. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ça dépend. Il y a des semaines plus faciles que d'autres. Ouais, je sais. C'est le moment de prendre une minuscule pause au retour. Tu vas pouvoir te reprendre, Tania, te faire pardonner. Yay! Avec une deuxième chronique de Tania is Gonna Entertain Ya. C'est dans deux instants. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage anti pour toi aujourd'hui. sur la Rocky qui se poursuit en ce jeudi 28 septembre 2017. La dernière émission du mois de septembre pour nous. Oui, c'est Tania Baudin. C'est vrai. Oui, dernière émission. Et Mathieu Plante aussi est là. Absolument. On est là quand même le vendredi. N'oubliez pas qu'on a une émission le vendredi aussi de 7h à 10h. Tout à fait. On est juste un petit peu moins présent physiquement. De quoi tu parles? Mais l'émission est neuve, toute nouvelle. Pour ceux qui ont manqué ces meilleurs moments-là. Si t'étais pas là, faut l'écouter vendredi. Si t'écoutes jamais l'émission entre 7h et 8h ou si t'écoutes jamais la fin de l'émission entre 9h et 10h, les chroniques se retrouvent le vendredi entre 7h et 10h. Fait que, ça va être nouveau pour toi. Mm-hmm. Dans quelques instants, Tania va nous continuer cette émission-là avec sa deuxième chronique de Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce qui s'en vient dans 3 minutes 11? Je vous parle de cette nouvelle obsession des milléniaux. Le self-care. Self-care. Rien à voir avec les selfies? Oui. C'est pas le selfie. C'est pas le selfie. Mais c'est le self-care. Vous allez voir. Mais avant ça, Crime, on n'est pas né d'hier, contrairement aux milléniaux qui sont nés dans les années 2000, probablement. Mm-hmm. Voici Colorado et Born Yesterday à son âge requis. Qu'est-ce que ça fait? Avec Born Yesterday. Je sais pas, aujourd'hui, j'avais envie de retourner un petit peu à l'été. Je pense que c'est le froid. Des petits succès qu'on a eu pendant l'été. Si vous n'étiez pas avec nous, ben, vous les découvrez. Mais bon, Colorado, c'était super bon. Maintenant, une deuxième chronique de Tania. Ooh. Is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dream. Et la voix, hein, ça fait dur. C'était cute. Le remix cute. Donc, Tania, cette fois-ci, en fait, oui. Ton sujet est pas mal différent de celui de tantôt. Uh-huh. Quand même, mais pas trop. Pas trop. Ça se rejoint quasiment. Ouais. En fait, de la façon que je suis tombée à m'intéresser peut-être à ce phénomène, c'est en tombant sur un article qui avait été partagé sur NPR.org, sur lequel c'est la radio publique américaine, l'équivalent de Radio-Canada. Exactement. Qui dit justement que les milléniaux sont obsédés avec le self-care. Ben c'est ça, là, parce que tantôt, on avait dans ta première chronique une fille de 24 ans, scientifique, qui n'était pas sur Facebook ni Twitter. Elle, c'est pas une vraie millénial. Ouais. Mais techniquement, c'est une millénial. Exactement. On dit en fait que cette génération-là prend avantage d'Internet au plus haut point, et c'est aussi la génération qui cherche sur Internet le plus souvent le mot « self-care ». Ah oui? Oui. On parle en fait de retombées économiques aux alentours de 10 millions dans l'industrie du self-care. Mm-hmm. Tu sais, donc, par exemple, massage, spa, tout ce qui est dorlotage par soi-même, ça rentre un petit peu dans le self-care. Okay. C'est une génération, en fait, qui est consistante et qui est bien définie par ses obsessions, les milléniaux. Donc, par exemple, les toasts aux avocats, les memes, Harry Potter et, bien évidemment, le self-care. Ça rentre dans ces fameuses obsessions-là. Donc, si vous avez quelqu'un en dessous de votre toit chez vous qui trippe sur toutes ces choses-là, il s'agit probablement de milléniaux, sachez-le. Donc, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Mais c'est peut-être, en fait, positif, le self-care. Ah, oui. Parce qu'à la base, quand on regarde ça comme ça, le self-care, c'est de prendre soin de soi pour mieux aller. Le bien-être. Exactement, le bien-être. C'est basé sur la psychologie et la dépression. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on s'est demandé si le self-care, ça pourrait pas nous sortir d'une dépression par soi-même. Ah. Le fait de prendre soin de nous sur une note quotidienne, est-ce que ça pourrait justement arriver à faire en sorte qu'on se sente mieux? Je pense donc, que oui. Ben, c'est quoi exactement le self-care? C'est un terme anglais, évidemment, vous l'aurez deviné, qui correspond à la fois à un mode de vie qui va inclure différentes composantes comme par exemple la prévention, l'hygiène alimentaire ou encore l'éducation physique, mais aussi on en a une catégorie qui va se placer plutôt dans les produits vendus, dans la disponibilité sans prescription. Donc ce genre de choses-là, tout ça devient du self-care. Pour l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, le self-care, c'est le moment où les individus peuvent faire eux-mêmes quelque chose pour établir et maintenir leur bonne santé, justement afin de prévenir ou de prendre en charge une maladie ou le fait que tu vas mal te sentir. Donc, le self-care, c'est une tendance de société présentement qui répond à un besoin qui est exprimé soit par les patients ou soit par les milléniaux, les plus jeunes, de plus en plus à la recherche du bien-être, d'autonomie et ceux qui sont soucieux de préserver leur santé, on veut se sentir bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que justement j'arrive à mieux me sentir. Si on y va du côté de la France, bien les Français sont prêts, mais doivent être accompagnés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, 79 % des Français sont conscients de la nécessité de reformer, par exemple, leur système de santé, c'est-à-dire de prendre soin d'eux, mais 80 % des Français ont eu recours à l'automédication sur les 12 derniers mois. Donc, l'automédication, si vous regardez ça comme ça, c'est un petit peu l'effet du self-care, tandis que 79 % vont avoir demandé à leur médecin « Est-ce que c'est bien si je fais ça? » On veut se faire prendre un petit peu plus par la main du côté des Français. Le self-care, si on regarde ça sur la tendance qui est reliée aujourd'hui, bien, ça peut ouvrir plusieurs potentiels de marché. Ça veut dire qu'on peut développer plusieurs choses, plusieurs domaines, surtout du côté du marketing, surtout du côté de la communication, pour être sûr que les gens qui vont vouloir être attirés par notre produit ou attirés par notre service vont être des gens qui vont être soucieux de leur propre bien-être. Avant, si on regarde ça comme ça et si on regarde l'article que NPR avait posté, bien, on semble dire que les gens, avant les milléniaux, se préoccupaient beaucoup plus des gens qui étaient autour d'eux. Le bien-être des gens autour d'eux plutôt que leur propre bien-être. C'est ce qui aurait changé au cours des deux générations dernières. C'est-à-dire que nos parents avaient comme souci de s'occuper de ce que les gens autour d'eux avaient comme bien-être, tandis que nous, parce que oui, bon, faut se compter dans les milléniaux. Ben oui. on est beaucoup plus soucieux de notre propre santé mentale, on est beaucoup plus consciencieux de notre propre santé physique et de notre propre bien-être. Ça serait la différence qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est devenu une obsession pour certains jeunes. Quand je parle d'obsession, c'est par exemple prendre 3 jours dans une semaine pour aller te faire masser parce que t'en as donc besoin. Tu sais, c'est un petit peu ça, cette obsession-là. C'est de passer peut-être son temps au gym ou son temps à cuisiner. Tu sais, on dit les meal prep, puis tout ça, la préparation des repas pour mieux se sentir dans notre corps. Bien, ça rentre dans tout ça. C'est l'intention du self-care. Il y a des façons assez simples qu'on peut prendre pour maîtriser, pour justement prendre soin de soi. Le rythme effréné et constant de notre époque fait en sorte qu'on a parfois l'impression que c'est impossible de prendre une pause. Et c'est justement ça le self-care, quand vous regardez ça comme ça, c'est de se dire « bon, là, je prends une pause, mais je vais continuer à prendre soin de moi pareil. » On s'attend à ce que vous répondiez, bien évidemment, à vos courriels, à vos textos, quasiment à la minute près où vous les recevez, et que vous soyez soit hyper productif ou que vous soyez en temps de qualité avec la famille. On a des attentes qui sont extrêmes de nos jours. Il faut que ça soit tout. Tout doit être fait sur un temps X. On n'est pas vraiment patient. Donc, c'est pas rare qu'après quelques temps, on soit quasiment rendu au bout du rouleau assez rapidement. Donc, si vous décidez de prendre du temps pour, par exemple, décompresser ou appliquer des conseils de soins de soi, donc le self-care, si vous traduisez ça en français, c'est le soin de soi, OK? Vous allez peut-être ressentir de la culpabilité. N'oublie pas que dans soin, il y a soi déjà. Oui, exactement. Donc, vous allez peut-être arriver à un certain moment où vous allez vous sentir coupable de prendre du temps pour vous. Vous pourriez aussi avoir certaines craintes et vous croire égoïste. Mais après tout, il faut savoir que de se consacrer du temps à quelque chose de productif pour nous-mêmes, il n'y a aucun problème à ça. Ça fait partie de l'être humain, en fait. Et malheureusement, si on néglige de prendre du temps pour soi, bien, on peut se sentir épuisé, on peut se sentir submergé, on peut se sentir démuni, et ça amène... Pardon? Ça amène... Et ça peut très bien amener à la dépression. Oui. Ouais, et quand on parle... Exactement. Et quand on parle de self-care, bien, c'est un petit peu l'idée derrière. On veut arriver à ne pas tomber en dépression. Donc... Ouais. C'est ça, là. Dépression facile à avoir, ça, oui, dans la vie de nos jours. Oui, en effet. Ouais. Ça signifie aussi qu'on va être en meilleure position pour, par exemple, aider les gens autour de nous. Donc, notre famille, nos frères, nos sœurs, nos mères, notre père. On va peut-être réussir à leur faire comprendre qu'ils ont besoin de prendre du temps pour eux. Certains milléniaux se sont donnés comme mission de devoir le faire comprendre aux gens autour d'eux. Donc, il y a des conseils, si jamais vous voulez prendre soin de votre vous, pour véritablement s'aider et justement abandonner l'espèce de sentiment de culpabilité qui nous suit à chaque moment où qu'on décide que pendant une journée, on fait rien. Oui. Par exemple, posez-vous la question « Est-ce que ça va? » Ah, c'est vrai qu'on se le demande pas. Hein. Les gens te le demandent, mais ils veulent pas vraiment entendre la réponse. C'est ça. Faut que tu dises oui. Toi-même, tu vas poser la question à quelqu'un. Mais est-ce que tu te la poses? Et réponds honnêtement. Il faut prendre un moment pour justement sonder notre état d'être, pour reconnaître nos propres besoins, nos propres sentiments et nos propres limites. Mm-hmm. Et ça, c'est très important parce que la plupart du temps, c'est là que ça va se jouer. Nos sentiments, bon... On peut se dire qu'on peut nager dans un étang de sentiments sans trop savoir où on s'en va, mais nos limites, jusqu'où est-ce qu'on va être capable d'en prendre, c'est surtout là qu'il faut qu'on se pose certaines restrictions. Donc, c'est peut-être par une note mentale ou le mettre sur papier que vous allez réaliser que ça va pas super bien. Si vous vous sentez coupable ou égoïste, par exemple, bien, il faut accepter ces sentiments-là et il faut les mettre calmement de côté. Il faut apprendre à les gérer. Par exemple, si votre juge intérieur, si votre soi intérieur est en train de vous montrer le contraire de ce que vous pensez que vous pensez, bien, c'est là qu'il faut se rappeler qu'il n'y a aucunement d'égoïsme dans tout simplement prendre soin de soi et de veiller à sa propre santé mentale, à sa propre santé émotionnelle et à sa propre santé physique. C'est surtout ça. On veut essayer de tout simplement mettre des limites avant d'arriver trop loin. Par par la suite, la deuxième façon très simple de prendre du temps pour soi, c'est de savoir ce qui nous rend heureux. Et l'inverse. Ben ce oui. qui ne nous rend pas heureux. Ce qui nous rend malheureux. Donc, exactement. Ouais. Il faut faire une liste de toutes les choses qui vous rendent heureux. Ça peut être aussi simple que, par exemple, regarder les étoiles, colorier ou écouter une émission de radio. Bonjour. Allô. Et si l'exercice, c'est difficile, bien, il faudrait aussi repenser à ce qui vous a fait sourire lorsque vous étiez enfant. Oui. Donc, si par exemple, on se dit, hey, je sais pas, moi, ce qui me rend heureux, bien, pensez à quand vous étiez heureux. Visualiser ça. Exactement. Il y a un moment où vous allez faire comme, ah ben oui, j'étais en train de faire ça. Mm-hmm. Il est aussi important de cerner les choses qui nuisent à notre bien-être. Ouais. Et de tenter aussi de les écarter de notre vie pour qu'on puisse se sentir mieux. Par la suite, il faut commencer par les petits plaisirs de la vie. Eh oui, hein, c'est vrai ça. On dit souvent ça. Ça prend pas grand-chose, des fois. On n'en prend pas nécessairement compte. Mm-hmm. On se dit que les petits plaisirs de la vie, là, c'est important, mais bien souvent, on va se concentrer à aller faire un voyage pendant 4 mois. C'est pas un petit plaisir de la vie, comme ça. On dit, les petits plaisirs, une fois mis ensemble, donnent un gros bonheur. Exactement. On n'a pas besoin de vider son portefeuille pour prendre du temps pour soi. C'est ça. Faire une promenade ou faire du sport. Faire une sieste, pour certains, ah, c'est oui. tout simplement ça. On peut méditer aussi pendant quelques instants ou encore danser avec énergie durant 5 minutes dans sa cuisine. Ah. Je fais référence à Grey's Anatomy. Il faut se rappeler que, justement, c'est ça, les petits moments de plaisir dans la vie. Et il faut se rappeler aussi que ça fonctionne. Si ça fonctionne pour un, ça peut aussi ne pas fonctionner pour d'autres. Ben oui. Il faut voir ce qui, nous, est notre petit bonheur. Donc, à chacun sa méthode pour se relaxer, c'est bien comme ça. Et la façon dont vous allez prendre soin de vous-même, ça n'a pas nécessairement besoin d'être la même que celle d'une autre personne. Mm-hmm. Votre bien-être ne se résolut pas au bien-être de quelqu'un d'autre. C'est ça, vous êtes maître de votre propre destinée. Exactement. Mm-hmm. Je pense que le self-care, c'est l'essence même aussi d'apprendre à se connaître à un certain moment, à réaliser que de jongler avec plusieurs personnes autour de nous, ça ne veut pas nécessairement dire tout le temps devoir faire des compromis de selon ce que nous, on aime versus ce que les gens aiment. On peut tout simplement arriver à dire, « Vas-y tout seul, je vais faire quelque chose tout seul dans mon bar. Mm-hmm. » Le self-care, c'est aussi apprendre à être bien avec soi-même, tout seul avec soi-même. Mm. Ça, c'est très important. C'est le fait que certaines personnes ne peuvent point être seules par eux-mêmes. Il faut apprendre à l'être. C'est comme ça que vous allez vous sentir mieux à un certain moment. Mm. Par la suite, bien, la quatrième façon qui est simple de prendre du temps pour soi, c'est de s'en faire une routine. Donc, si on prend soin de soi et qu'on fait partie intégrante de notre mode de vie sain, il ne s'agit pas d'une chose qu'on va faire une seule fois, comme par exemple un massage par année ou des vacances de 2 semaines. Peu importe la méthode que vous allez adopter, il faut tout simplement l'appliquer souvent jusqu'à ce qu'elle fasse partie de votre routine quotidienne. Si par exemple, vous vous dites, moi, chaque samedi matin, je m'en vais marcher, et ça va devenir une routine, ça va devenir un soin pour vous-même, mais ça va tout le temps être dans votre vie. Donc, en prenant soin de vous à chaque jour, vous allez être beaucoup plus conscient de votre état physique, de votre état mental, de votre état émotionnel, et vous allez, bien évidemment, savoir reconnaître les moments où vous avez besoin d'une pause. C'est ça, parce qu'on met à notre horaire, à notre agenda, tout ce qui est important, mais on ne met pas de case horaire pour prendre soin de nous autres. Alors que pourtant, ça devrait être ça en majorité. Ben oui, tout à fait. Et ces conseils-là aussi, ça va vous aider à mieux gérer votre stress. Mm. Ça va vous aider aussi à avoir un effet positif sur vos relations, sur votre bien-être global. Et que ce soit clair, prendre soin de soi, ça ne signifie pas être égoïste. Il faut arrêter de penser que si tu dis non, t'es égoïste. Il faut savoir faire aussi le certain compromis. Si on veut être avec certaines personnes, oui. mais que ce qu'ils veulent pas faire, ça ne nous tente pas, on n'est pas obligé de juste dire non. Mm-hmm. Là, il faut comprendre. Mais la prochaine fois que vous allez, par exemple, faire du jogging ou que vous allez choisir de rester à la maison au lieu de sortir pour une soirée avec des amis, par exemple, bien, sentez-vous pas coupable. C'est ça. C'est tout simplement que là, à ce moment-là, vous avez besoin de rester seul avec vous. Mm-hmm. Donc, vous n'êtes pas égoïste. Vous faites juste mettre le masque d'oxygène en premier et de prendre soin de vous-même. Tellement. Vous allez apprendre à vous gérer. Et peut-être que vous allez inspirer vos amis à faire la même chose une fois de temps en temps. Bien, certainement. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire justement pour arriver à faire en sorte que vous allez prendre soin de vous. Ça peut tout simplement être mieux vous alimenter. Mm-hmm. Ça peut être ça pour vous, votre bien-être. Ça peut être prendre, je sais pas moi, une demi-heure de votre semaine pour vous faire les ongles vous-même. Ouais. C'est vrai. Vous asseoir dans votre lit en indien, à prendre une tasse de thé. Mm-hmm. Ça peut tout simplement être ça. Lire un livre tout seul. Tu sais, le bien-être de soi-même, c'est tout simplement de se retrouver seul avec soi, mais à faire quelque chose. C'est exactement ça, parce que sinon, je veux dire, il y a une façon d'avoir du plaisir en faisant des choses pour les autres aussi. Tu sais, on a lancement la nouvelle, c'est de passer, je crois, ses 40 heures par semaine à faire du bénévolat pour avoir un appartement dans une maison de personnes âgées. Oui. Tout le monde a vu ça. Mais c'est malade. Ça peut être ça aussi pour ton propre plaisir, mais t'as quand même besoin de temps seul. Exactement. Pas le choix. T'as besoin de temps seul parce qu'il faut que tu saches te reconnaître seul. Si des gens sont tout le temps avec eux, entourés de gens avec qui ils sont pas trop sûrs si ça fit, mais comment est-ce que tu veux savoir que tu te connais bien? Ouais. Et c'est en se connaissant bien qu'on va savoir à mieux vivre avec nous-mêmes. Tout à fait. Donc, c'est une obsession, oui, des milléniaux, mais c'est une bonne obsession. Mmh. Il faut faire attention aussi à la juste limite. Là. Comme je vous disais tout à l'heure, allez vous faire masser 3 fois par semaine. C'est pas prendre soin de vous. C'est exagéré. C'est ça. Mais d'y aller, par exemple, une fois par mois, là, c'est de prendre soin de vous. Oui. C'est d'avoir ce moment-là pour vous. C'est de pas tomber dans l'excès. C'est le fameux juste milieu. Là. Comme il dans s'applique tout. Partout. Ben oui. Voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Hey, quelle belle philosophie de vie, ça. Hey, hein, c'est pas merveilleux. On s'inspire, ça. Ouais, c'est ça. Offrez-lui des affaires pour qu'elle puisse passer son temps seule. Voilà. Donc, Tania is gonna entertain. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On fait ça tous les matins à Assemblage Rocky. Et on va profiter peut-être de son temps seul pour aller, je sais pas, on pourrait aller voir des baleines, peut-être. Ben, certainement. Ou entendre Félix Diot et sa station balnéaire. J'essaye de faire. Oh ouais, ça, c'est bien fait. Les assemblages requis, je sais pas. 89 FM. cette pièce de Félix Diot, Station balnéaire. Je l'adore malgré sa qualité sonore exécrable, Radio AM des années 80. On prend une pause. Au retour, David Ferron va être là dans quelques minutes pour nous parler du plus récent Zone Campus. Oh là là! Assemblage requis. Aïe, aïe, aïe! Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. C'est fou! 89.1. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'assemblage requis avec Tania Baudin et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89 FM. Ça s'en vient, Mathieu. On a des gens qui s'en viennent. Des gens. Studio. Oui, là, on est seul depuis la moitié de l'émission et il nous reste une deuxième moitié. Mm-hmm. Et plus tard, Stéphanie Paradis va être avec nous pour Patate de Sofa. Oh, j'ai hâte de savoir de quoi elle va nous parler. Moi aussi, j'ai toujours hâte de la voir. David Ferron s'en vient aussi pour parler de Zone Campus. Nouvelle formule, nouvelle fréquence de parution, nouvelle couleur, nouveau nombre de pages, nouvelle chronique. Il y a plein de nouvelles affaires. On va en parler avec lui dans quelques minutes. Là, ça devrait pas trop tarder. On a le temps, par contre, de rendre hommage à mes yeux secs ce matin. Oui. Les yeux qui me piquent. Ça va pas bien. C'est sec en studio. Oui, et c'est le rhume aussi. J'imagine peut-être qu'il y a un lien à faire avec ça. J'en ai aucune idée. Mais on écoute Yeux secs de Décibel tout de suite à Assemblage Requis. Décibel avec Yeux secs, Assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de partager nos coups de cœur. Donc, tu manges mon cœur. Simon. Rose Mon Cœur. Oui, c'est la chronique où les co-animateurs de l'Assemblage Rocky partagent leur coup de cœur. Cette fois-ci, Tania, je vais te laisser commencer. Ah oui, merci, parce que j'étais en train de... Je vais commencer. Ouais. Okay. D'habitude, je commence tout le temps, puis je me sens mal de prendre la place, mais c'est parce que Tania prépare quelque chose. Exactement. Donc, je vais continuer comme ça. Mais j'ai comme pas le choix de downloader. Moi, en fait, je vais te parler de quelque chose que j'ai vu hier pour la première fois. Ça m'a vraiment intrigué. Je me rappelle pas quel article je lisais. Oui, en fait, je me rappelle. J'ai lu un article sur... c'est l'anniversaire de la série télévisée 60 Minutes cette année sur CBS. C'est une série genre d'enquête publique, des trucs comme ça. Bref, ça a commencé en 1968. Et puis, il y avait une série de faits pour leur anniversaire. Et il y en avait un sur Endless Memory, un reportage qu'ils ont fait sur des gens qui ont une mémoire infinie. Tu sais, ceux qui... Ça s'appelle mémoire supérieure autobiographique. C'est ceux qui se souviennent de chaque moment dans leur vie, chaque jour. On peut leur demander, OK, le 3 juillet 1982, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, il y a tel match de football qui a eu lieu contre telle équipe, c'était tel score, puis j'avais porté tel soulier, puis je suis allé manger telle affaire. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas oublier leur quotidien. Et c'était vraiment fascinant comme entrevue. C'est en deux parties. Ça dure, je dirais, presque une demi-heure, les deux parties ensemble. J'ai mis le lien sur... On a quelqu'un comme ça à Trois-Rivières. Je sais pas si tu savais. Non, vas-y donc, va. Jerry Rochon. Oui, ben lui, c'est sur le hockey, par contre. Oui, ben c'est en fait sur tout. Ah, pour vrai, je savais pas. Jerry est un connaisseur de tous les sports, de tout le monde. Oh. C'est incroyable. Bon, ben tu vois. Ils ont trouvé, pendant qu'ils faisaient le reportage, il y avait, je crois que c'est 5 sujets, 5 personnes qui ont ça, en tout cas aux États-Unis, qui ont réussi à trouver. Ils leur ont fait passer des tests, évidemment, comme c'est des... un désordre très rare. Il a fallu qu'ils créent leurs propres tests, les médecins, les neurobiologistes, peu importe. Et là, après ça, ben, en faisant le reportage, la journaliste Leslie Stahl a rencontré l'actrice Mary Lou Henner. Elle se disait, il me semble que ce genre de désordre-là, ça ressemble à mon amie. Donc là, ils sont allés rencontrer cette fille-là. Et en effet, elle est maintenant, ben, pas maintenant, là, mais c'était genre en 2010, je crois, le reportage. Donc elle est maintenant sur la liste des gens qui ont ce désordre-là. C'est super intéressant à aller voir. Souvent, c'est associé avec le syndrome de l'obsessivité compulsive. Mm-hmm. Donc, souvent, leur cerveau travaille comme ça. Ils ont même fait des IRM sur leur cerveau pour voir qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont beaucoup, beaucoup plus grosses, comme 7 à 8 fois exponentiellement parlant, je ne sais pas trop quoi. Okay. Les endroits du cerveau qui sont plus gros, là, je connais absolument rien là-dedans, mais quand même. Donc, ouais, ça a souvent rapport avec ça. Tu peux être obsessif compulsif, tu peux être germophobe et avoir un paquet de trucs comme ça parce que c'est la même partie du cerveau qui est atteinte que la partie qui se souvient de tous tes trucs autobiographiques de ta vie. Souvent, c'est qu'ils vont se rappeler que eux, ils étaient soit présents ou étaient au courant de nouvelles, par exemple la mort d'Elvis Presley ou tel attentat terroriste. Mm-hmm. Donc, ils se souviennent pas nécessairement de tous les événements comme dans une encyclopédie. Ils vont se souvenir de leur impression de cette journée-là. OK. Tu comprends? Ouais. Ils vont des fois même se mettre au défi eux-mêmes de trouver, bon, OK, mettons, là, tantôt, je pense, le 3 juillet. Ils vont se faire dans leur tête un genre de, OK, quel 3 juillet était le meilleur? Oui. Dans la vie. T'sais, ils vont catégoriser leurs trucs, comme les gens qui sont obsessifs compulsifs, qui vont classer leurs vêtements par couleur, leurs souliers par taille, peu importe. Donc, c'est la même chose. Ils vont se faire des jeux comme ça et ça les met au défi. Donc, c'est ce que j'ai retenu de ce reportage-là d'une demi-heure environ. C'était fascinant du début à la fin. Là, au début, je me disais, ah, t'sais, ça va être long à écouter. Non, absolument pas. J'ai bien fait. Ah ouais? C'était vraiment le fun. Donc, allez voir le lien sur assemblagerocky.com. Ça s'appelle Endless Memory. Ça vient de l'émission 60 Minutes sur CBS en 2010 avec Leslie Stahl. Voilà, ça c'était mon Tu manges mon cœur d'aujourd'hui. Merveilleux. À ton tour, Tania. Ce dont je veux vous parler, j'en ai déjà discuté, ça fait déjà un bon bout de ça, mais c'est mon obsession un petit peu avec l'entraînement dans l'eau. La natation ou l'aquagym. Ah. Donc, c'est quelque chose qui est redevenu très, très important dans ma vie. Mm-hmm. Et je fais encore des cours d'aquagym. Je m'entraîne encore en aquagym. Ouais. Mais là, maintenant, j'ai ajouté la natation à une autre journée dans ma semaine. Ah, oui. Et vraiment, là, la natation, là, on fait des allers-retours, là, mm-hmm. on fait des longueurs. Donc, on travaille vraiment beaucoup tout le corps. Et je dois avouer que ça... Ça épuise! Ça épuise! Ça épuise! Tu dis, tu sais, on parle de natation en eau libre, évidemment, parce que c'est pas de type compétitive. On fait ça pour le fun, mais on en fait non-stop pendant 45 minutes à une heure. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Ça travaille le cardio, ça travaille évidemment la musculation. Et les gens, tu sais, l'eau, c'est un milieu d'entraînement qui est encore peu connu, mais ça procure des effets insoupçonnés. On parle de réduction des chocs sur les articulations. Donc, les gens qui ont déjà en partant des difficultés avec les articulations de leur corps, bien, ça peut très bien faire du bien. On parle aussi de l'augmentation de la sensation de bien-être, de relaxation. Et il y a plusieurs personnes qui auraient avantage à s'entraîner sous l'eau, justement, considérant les problématiques qu'on peut avoir de façon physique. Donc, au moment où on se retrouve en dessous de l'eau, on n'a pas nécessairement le poids de notre corps, mais on va le travailler 2 à 3 fois. OK. Ah. Donc, chose qu'on soupçonne pas, mais ça fait en sorte qu'on travaille extrêmement toutes les parties de notre corps, que ce soit les jambes, que ce soit les abdos, que ce soit les bras. Vraiment, là, tout y passe. Et ça fait en sorte que c'est un entraînement qui est le fun, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi pas vous offrir une chanson en lien avec, avec l'eau. Je vais vous offrir de Jax Mankin, Swim. Tout de suite, dans Tout Mange Mon Cœur, à Assemblage Requis. That saves you when you're not so sure you'll survive. You gotta swim, and swim when it hurts. The whole world is watching. You haven't come this far to fall off the earth. The currents will pull you away from your love. Just keep your head above. Jack's Mannequin avec Swim à Assemblage Rookie. Ah, Tania est encore subjuguée par quelque chose, mais c'est quelque chose d'important dont on va parler ensemble dans la chronique Zone Campus. Exactement. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Nouveau Zone Campus qui sort pour la première fois cet automne. David Ferron va nous en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, il est parti en dépêche dans la salle des nouvelles du Zone Campus pour aller écrire un article à ce sujet-là. Et on va en profiter pour en parler, toi et moi, parce que ça vient de sortir, l'article. Tania, il s'est passé quelque chose d'assez majestueux comme événement à la chasse-galerie de l'UQTR. Oui, en fait, vous allez pouvoir le lire justement sur le blog du Zone Campus dans quelques instants. Mais la chasse-galerie a fermé ses portes cette semaine pour un temps limité. Ouais, donc c'est on disait de mardi à jeudi, la chasse-galerie est fermée, on est obligé d'aller à la cafétéria et de prendre du café Starbucks. Oui. Mais c'est ça, c'est donc 3 jours. En plein milieu de la semaine, on s'est dit, c'est donc même bizarre, pourquoi est-ce qu'on peut coller ça à la fin ou au début de la semaine? Il y a une raison finalement, mais peut-être qu'ils ne voulaient pas nécessairement la partager avec nous. Non, t'sais. C'est ça, mais c'est chose qui a été rendue publique. Ouais. Et maintenant que c'est dit, là, on peut en parler, c'est ça. C'est grâce à Radio-Canada que c'est ça. En fait, on peut voir une affiche qui est visible dans la vitrine de la chasse-galerie qui dit qu'il y a une fermeture exceptionnelle pour période de rénovation dans la cuisine. Rénovation dans la cuisine. Je crois, OK? Qui en font quand même. Je crois qu'ils en font pareil. Pour conserver les apparences, je crois. On a utilisé cette période de temps-là probablement pour effectuer justement ces rénovations dans cette belle cuisine. Mais cela étant dit... c'était prévu, cette fermeture de 3 jours, depuis apparemment le mois d'avril, n'est-ce oui, pas? Oui, exactement. En fait, c'est qu'il y a eu un jugement qui a été rendu en avril dernier, qui a été fait à la suite d'une plainte qui avait été reçue sur un événement qui est survenu beaucoup plus tôt dans l'année, c'est-à-dire au mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier, Tania? Bien, à cette date-là, l'établissement aurait admis des personnes en dehors des heures d'ouverture permises. Qui sont jusqu'à 3 heures du matin. Exactement. Et on aurait procédé à la vente, au service et à la consommation dans l'établissement en dehors des heures permises. Et on parle jusqu'à 7 heures du matin. Oui. Donc, c'est un jugement qui a été rendu par, bien évidemment, la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui a ordonné la suspension du permis d'alcool et la mise sous scellé des boissons alcoolisées pour une période de 3 jours. Mm-hmm. C'est la vraie raison. Ça, c'est un petit peu secret, j'ai l'impression. Et on parle d'une réouverture vendredi, mais pas vendredi à l'heure normale où on entre d'habitude à 7h30. On parle de 9h30. Oui, exactement. Donc, c'est une période de 3 jours de permis de bar barré jusqu'à vendredi matin 9h30. C'est sec, selon mais la ça va être vérifié. Sécurité publique de Trois-Rivières. D'après moi, ça devrait être vérifié. Donc, on savait depuis le mois d'avril à la chasse-galerie, mais ici, on a entendu parler de ça ce matin. Est-ce que c'était Radio-Canada ou la C'est la presse, la presse, Nouvelliste. Le Nouvelliste, donc félicitations pour votre belle nouvelle. Nous, on est en train de travailler là-dessus aux Zones Campus pour vous faire un petit compte rendu de ça. Mm-hmm. Mais comme l'émission avance et comme David Ferron est occupé à faire ça, on va commencer à créer une Zone Campus sans lui, si ça te dérange pas trop, Tania. Mais non, il n'y a aucun problème. On va commencer en actualité, dans le Zone Campus. Nouveau numéro qui sort qui vient de sortir cette semaine, qui va être en kiosque tout le mois d'octobre. On passe à une formule mensuelle, comme on l'a dit la semaine passée. On va pas se répéter une troisième fois quand même. Pour commencer avec un projet multisectoriel. Le vendredi, donc 15 septembre dernier, avait lieu une conférence de presse annonçant plus de femmes en politique. Les médias, les instances municipales et des acteurs clés pilotés par la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Ce projet vise à proposer des solutions facilitant l'intégration des femmes en politique municipale. Et parmi les partenaires, on retrouve notre famille, le groupe des médias étudiants de l'UQTR, donc c'est Fouzon Campus, participe à ce projet. Dans le mot de la rédaction, Marie Labrousse, qui est la nouvelle chef de pupitre, celle qui s'occupe, entre autres, du montage et de ce qui est entre autres des fois les assignations aux journalistes, des trucs comme ça, alors que David Ferron s'occupe plus cette année du blog et de tout ce qui est dépêche, c'est pour ça qu'il est pas avec nous en ce moment. Donc ça c'est pour le mot de la rédaction. Il nous parle de sa nouvelle parure d'automne, les nouvelles couleurs du Zone Campus et la nouvelle formule, les nouvelles chroniques qu'on accueille cette année. Continuons en actualité avec un reportage sur la communauté LGBTQ2 pour la diversité. Plus. Plus, oui, excuse-moi. Donc, depuis plusieurs années, cette communauté est de plus en plus affirmée et respectée. On ajoute une lettre par année, je pense. Malgré tout, il serait faux de dire que la diversité, quel qu'en soit le genre, est d'une facilité d'acceptation dans notre société. Comme le démontrent les médias, le monde artistique ou les chefs d'État, la communauté entre LGBTQ+, 2+, entre autres, a besoin de soutien. Il est donc important de faire face aux problèmes en commençant par un établissement tel que l'UQTR. Donc, on en parle dans cet article-là, le Bureau des services étudiants, entre autres. Ensuite, reportage sur les parents étudiants jonglés avec crayons et biberons. En 2011, on dit que 24% de la population étudiante du réseau des universités du Québec était responsable de un ou de plusieurs enfants. Donc, Magali Boisvert a écrit un reportage à ce sujet. On dit que la vie familiale n'est pas toujours facile à concilier avec le travail. La tâche est encore plus ardue lorsqu'un des parents doit également jongler avec des études. À l'UQTR, les parents étudiants peuvent compter sur plusieurs ressources offertes par l'université, sans oublier l'aide du gouvernement et du milieu communautaire. Donc, pour en savoir plus, c'est dans l'article. On va à l'AGE UQTR qui dit jouer sur tous les fronts. Donc l'Assemblée, l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières se prépare à une année bien remplie. Entre prévention du suicide, campagne sans oui c'est non, élections municipales ou événements festifs, l'association multiplie les partenariats et entreprend de s'impliquer dans divers domaines touchant les étudiants et étudiantes sur le campus, que ce soit sur le plan festif, académique, politique, financier, psychologique, etc. Ensuite, on a l'éditorial de Samuel Beauchemin, Éclipse complète aux États-Unis, deuxième partie. Pour ceux qui se demandent comment ça peut être le premier numéro de la saison, exactement, être une deuxième partie, c'est que depuis le début de la saison, les journalistes et chroniqueurs écrivent sur le blog zonecampus.ca. Ils vont continuer de le faire. En fait, il y a à peu près le double des chroniques parce qu'il y en a la moitié qui est exclusive au blog et l'autre moitié qui est sur le blog ainsi que dans le journal papier. Donc, son premier paragraphe dit, je cite, « La grande noirceur se poursuit chez nos voisins du Sud. Dans cette deuxième partie, je me concentrerai sur la politique intérieure américaine, états-unienne. » On continue avec la petite vite, une autre chronique. Cette fois-ci et cette année, ça change un petit peu. Ils sont trois au lieu de deux pour écrire cette chronique-là. Anthony Morin, Éliane Baudry et Marie-Lou Denis. Donc, dans l'ombre d'une chevelure imposante et collante des années 90 se cache un amour secret inavoué. L'article s'appelle « Nostalgie à l'odeur de Sprinet ». Oh boy! On a un portrait d'un étudiant au cycle supérieur, Gabriel Senneville, qui est étudiant de troisième année à la maîtrise en études québécoises à l'UQTR. On a ensuite un article sur les services aux étudiants, une unie pour la réussite des étudiants. Donc, la rentrée est le moment de renseigner les étudiants sur tout ce qu'ils offrent au SAE, mais aussi d'organiser des activités d'intégration en début de session. Ils sont également présents pour l'orientation à l'emploi, le soutien à l'apprentissage, l'aide financière, la santé, la psychologie, ainsi que pour toute autre question concernant la vie étudiante. Un œil sur l'actualité internationale, c'est une autre chronique qu'on a, c'est celle de Gwendoline Lebaumin. Les médias, oui, je cite encore une fois son début d'article. Les médias, comme on sait, sélectionnent les sujets à traiter. Ils privilégient l'actualité de certains pays, d'autres étant jugés moins sexy pour paraître dans les unes. On parle beaucoup du cas de la Syrie, dit-elle, au point qu'elle a tendance à voler la vedette à ses voisins comme le Yémen. Heureusement, les organismes humanitaires ne les oublient pas et travaillent d'arrache-pied pour sauver ces populations. On va à une autre chronique. Pour vrai, les chroniques sont dispersées à travers le journal au lieu d'être en société cette année. On continue donc avec Alassania Couilly et son segment « Un grain de science à la fois ». Elle parle des extravagances de notre belle bleue. Cyclone, ouragan, tempête, typhon, les maux diffèrent, mais les ravages sont les mêmes. Mais qu'est-ce donc que cette calamité qui envoie comme émissaire un calme à vous faire entendre les battements de votre cœur? Ça, c'est la même chronique qu'elle a fait dans l'assemblage requis la semaine passée. Oui, en effet, c'est vrai. On a un article sur l'Association générale étudiant hors campus de l'UQTR, ainsi qu'un autre sur le bureau de l'International du recrutement. Avant de passer à une autre chronique, entre les deux pôles, êtes-vous proche aidant sans le savoir, nous demande Kevin Gaudreau. La possibilité de vivre une impression de soutien social satisfaisant aide à faire face à diverses épreuves de la vie. Parmi les personnes significatives pouvant favoriser le soutien social, les proches aidants apportent une contribution très importante à la société. Donc, il nous dit en gros que ça se peut qu'on aide des gens dans la vie et que ce soit une situation de proche aidant, mais on s'en rend pas compte que c'est ça. En effet. Ensuite, on va en art et spectacle. Eh bien, oui, c'est Marc-André Arsenault qui nous parle d'une tradition qui est toujours aussi vivante avec le spectacle de la rentrée 2017. Donc, comme la tradition le veut, l'événement annuel de la rentrée de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est organisé par l'Association générale des étudiants de l'UQTR, a été présenté par C'est fou 89.1 FM. C'est déroulé sur les terrains du campus un petit peu plus tôt cette année. Donc, selon les premières approximations, environ 5000 personnes étaient présentes. Wow. Foreign Diplomats, Canaille et les Cowboys fringants étaient les têtes d'affiche de cette année. C'était le fun, on animait ça, nous. Oui, tout à fait. C'était une très belle soirée. Oui. Fais dire oh. Continuons en parlant toujours de nous. Oui, tout à fait. Bien, GME UQTR, en fait parler d'eux dans Zone Campus cette semaine, ou du moins ce mois-ci, pour la parution. On parle du changement à la radio, mais aussi au journal. Donc, le groupe Média étudiant qui chapeaute C'est fou et Zone Campus a un plan stratégique pour l'année 2017-2018, ce qui annonce changement et nouveaux défis à venir. Oui. Notre gentil boss, Jean-Philippe Charbonneau, qui est directeur général, ainsi que ses collègues, nous, Mathieu Plante et Tania Baudin, se sont entretenus justement avec, avec les chroniqueurs de Zone Campus. C'est qui déjà qui a écrit ça? C'est Marianne, non? Marianne Chartier-Boulanger. Exactement. Exactement. Donc, c'est Marianne qui nous a parlé de l'avenir de notre propre radio. Donc, C'est fou, 89 FM. On a appris les choses. Oui, c'est ça. Et de notre journal étudiant, le Zone Campus. Merveilleux. Vous pouvez lire, évidemment, la chronique littéraire de Judith Étier, Le Québec, une page à la fois, donc le grand fauchage intérieur, dans sa première chronique et dans sa dernière chronique. Sur zonecampus.ca. Exactement, sur le blog. Elle nous a fait part de son manque de temps cet été à consacrer à la lecture personnelle. Donc, elle a, elle a tellement pas... eu plus de temps pour lire, sauf pour un ouvrage, une nouveauté dans les librairies, un petit roman qui fait du bien, qui coïncide aussi avec la chaleur inattendue du mois de septembre. Tellement vrai! Il y a Busty and the Bass, Mon Doux Seigneur et Laura Sauvage qui font une sortie d'album. Donc, une nouveauté dans le Zone Campus. Oui. On parle justement des nouveaux albums qui vont sortir. Et vous pouvez aller voir ça. C'est très intéressant de voir ce qui se passe sur leur nouvel album. Bien d'accord. Mike Ward a débarqué à l'UQTR et c'est Gabriel Sénéville qui nous en parle dans la soirée humoristique, dans la section art et spectacle. Donc, dans la soirée du 20 septembre dernier, était présenté le spectacle de l'humoriste Mike Ward dans le cadre d'une collecte de fonds effectuée par l'Association des étudiants en sciences comptables, donc l'ASK, pour ceux qui connaissent plus l'abréviation. Et l'humoriste a été invité à présenter son matériel devant la salle Comble, située au local 10-12 du Pervillon, Néré-Beauchemin de l'UQTR. De fait, 586 billets ont été vendus pour l'occasion. Hey. D'ailleurs, si vous voulez aller voir en plein milieu du journal, en page 12 et 13, on a non seulement une autopromo C'est fou, mais en plus les palmarès de C'est fou du 25 septembre au 1er octobre. Donc, si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui est au sommet, c'est dans le journal aussi, visuel, pour les gens qui sont visuels. Absolument. David Ferron, je pense qu'il est visuel, qui m'a dit. Une fois ou 12 000. En page 14, vous pouvez voir un portrait d'une ancienne étudiante de l'UQTR, Cindy Rousseau, qui a été diplômée en communication sociale de l'UQTR. Et c'est une jeune passionnée de communication, bien évidemment, de théâtre et de tout ce qui entoure la culture et la création. Donc, elle nous explique ici son cheminement depuis sa diplomation au baccalauréat en communication sociale. Et on voit le court portrait d'une jeune femme qui travaille aujourd'hui à faire rayonner le milieu des arts et de la scène dans notre propre région. Oui. On parle de humour, beer pong et musique pour une soirée bien arrosée avec Caroline Filion qui nous parle de soirée bénéfice. En fait, c'était le 13 septembre dernier et ça a été annoncé comme le deuxième spectacle de la rentrée de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et on a eu un spectacle d'humour d'Alex Rouff qui était au programme avec en première partie l'humoriste Jer Allen. Musique, beer pong ont clôturé aussi cette soirée qui était organisée par l'Association des étudiants au doctorat en chiropratique. Donc, le but de l'événement, c'était de financer une mission chiropratique en Haïti. Cool. C'est très, très bien. Par la suite, on retrouve Louis-Étienne Villeneuve qui nous parle de cinéma. Et il nous dit, quand on écoute un film et qu'on se dit simultanément, c'est féminin et ça fait du bien, eh bien, ça fait du bien. C'est bien si dit. Si vous voulez savoir plus que ça, vous allez devoir lire l'article. C'est pour ça qu'il est de retour, Louis-Étienne Villeneuve, pour des phrases comme ça, je pense. Exactement, j'ai adoré ça. Marie-Christine Perra qui nous revient pour parler de scènes culturelles, de spectacles, d'expositions. On lui réserve tout le temps deux pages l'une à côté de l'autre là, pour que ce soit vraiment son domaine. Tout à fait. On parle de la 10e édition de la Biennale internationale d'estampes contemporaines de Trois-Rivières qui a battu son plein tout l'été dans la ville. On a rassemblé 300 œuvres, 51 artistes. On a représenté 19 pays et l'événement a de quoi faire rayonner la région tous les deux ans. Donc, la présence de l'atelier presse-papier au centre-ville et la formation en arts visuels de l'UQTR a contribué justement à l'envergure d'une telle manifestation. C'est un très beau projet. C'est vraiment beau comme œuvre d'art. Et on parle aussi du Festival d'art performatif de Trois-Rivières. Donc, une fin de semaine très performance. J'ai le mot, hein, très Trois-Rivières. Donc, jadis nommée capitale culturelle du Canada, Trois-Rivières s'est taillée une place de choix. Quand est venu le temps de célébrer les arts visuels, et biennales et festivals se succèdent depuis des décennies. Donc, on a attiré visiteurs et touristes, et les nombreuses manifestations artistiques auront permis justement la rencontre entre, par exemple, Sébastien Goyette Cournoyer et Isabelle Clermont, les deux cofondateurs du premier festival d'art performatif de Trois-Rivières. Mm-hmm. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a une petite promo pour l'Instagram de Zone Campus. Donc, c'est instagram.com/zonecampus ou à Zone Campus si ça vous intéresse de venir voir des photos exclusives, des avant-goûts des prochains articles. C'est sur l'Instagram du Zone Campus. Et on a une dernière nouvelle en arts et spectacles. Oui, tout à fait. C'est Marianne Chartier-Boulanger qui nous revient et qui nous parle d'un livre, L'inéducation de Joël Tremblay. Donc, la librairie indépendante L'Excèdre offre à quelques moments durant l'automne des causeries avec des auteurs ainsi que des tables rondes littéraires. Et mercredi soir, elle est allée voir l'auteur et enseignante en philosophie, Joël Tremblay, qui leur a parlé de son nouvel essai, L'inéducation, de la maison d'édition Somme Toute. Mm-hmm. On passe en sport, on va le faire en tag team, le sport, ouais, Tania, pour commencer. Donc, allons-y avec le retour de Marie-Ève Nau, une addition de taille. Elle est de retour. La formation de soccer féminin des Patriotes prend du galon rapidement au sein du réseau du sport étudiant du Québec. Pour continuer sur cette lancée, l'équipe peut maintenant compter sur l'expérience incomparable que lui procure le retour derrière le banc de Marie-Ève Nau. Et elle dit, je cite, « On a le groupe pour accéder aux séries. » Elle se dit fière du parcours qui l'a amené à entraîner les Patriotes. Tout à fait. On parle aussi d'une entrevue avec Mathieu Gravel, une première dans l'histoire des Patriotes. En fait, le début de la saison automnale 2017 chez les Patriotes se fait avec des changements et des nouveautés qui passent pas inaperçues. Donc, entre autres, l'équipe de hockey va avoir pour la toute première fois un entraîneur adjoint qui va offrir ses services à temps plein. Il s'agit de Mathieu Gravel qui sera aux côtés de l'entraîneur-chef actuel Marc-Étienne Hubert. Ensuite, toujours en sport, on parle de yoga, en fait. Une activité qui est de retour à la mode. En fait, je pense que ça a plus de, c'est plus à la mode que jamais. Le Centre d'activité physique et de santé, c'est le Centre d'activité physique et sportive, mais bon. Léopold Gagnon de l'Université du Québec à Trois-Rivières offre différentes séances de yoga en groupe. Il existe également quelques autres endroits dans la ville de Trois-Rivières où on peut pratiquer le yoga. Un nouveau centre est d'ailleurs apparu dans le paysage cette année. Est-ce qu'on peut parler d'un engouement pour cette discipline? Ben, pour le savoir, il faut lire le reportage sur le yoga de Marc-André Arsenault. On fait un retour aussi sur la course chiropratique qui s'est déroulée sur le terrain de l'UQTR, donc une activité avec un nouveau souffle. Ça se déroulait le dimanche 10 septembre dernier. Et c'est la course chiropratique qui est organisée par l'Association des étudiants doctorants en chiropratique, l'AEDEC, qui a rassemblé des coureurs de tous les âges. Et on a divisé en catégories, évidemment, de distance, donc 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km et 10 km relais. Et ça, c'est notre ami David Ferron, celui qui est sur la dépêche en ce moment, celui qui est fâché de s'être fait shotgunner sa nouvelle sur la chasse-galerie. On le comprend. D'après moi, il était au courant de la nouvelle, mais il ne pouvait pas la sortir. Peut-être. Je sais pas. Ensuite, on va en chronique avec Vincent Boisvert. Sa chronique cette année s'appelle « On jase les Alouettes de Montréal, le dindon de la farce ». Donc, il dit bonjour et bonne session à tout le monde. Il dit après ça, afin de célébrer une autre année sans football universitaire à l'UQTR, je pense qu'on va les compter, les années sans football. Pourquoi ne pas parler du football, les Alouettes? Dans un an, jour pour jour, le joueur canadien de tennis spécialiste du double, Daniel Nestor, sera un retraité de l'ATP aussi, nous mentionne-t-il. Donc, deux sujets couverts dans la chronique, au moins deux. Oui, tout à fait. Au moins deux, c'est ça. On parle aussi de la rentrée des Patriotes, donc on a une année chargée en perspective. Le coup d'envoi a été donné pour la rentrée scolaire. Mais maintenant que l'année est bien amorcée, c'est les Patriotes qui commencent à entrer en action graduellement. On va devoir non seulement se concentrer sur leur sport, mais aussi sur leur étude et leur activité de financement. Mm-hmm. Ensuite, on retourne au CAPS, qui est bien nommé le Centre de l'activité physique et sportive ici. Pour bien entamer l'année 2017-18, le centre susmentionné a décidé de se refaire une beauté et d'améliorer plusieurs aspects du pavillon. En effet, en plus de l'ajout de matériel pour permettre à plus de gens d'utiliser le centre, une nouvelle activité est maintenant possible, en plus de beaucoup de rafraîchissements esthétiques un petit peu partout. La piste de course qui a maintenant un revêtement tout neuf, entre autres. Mm-hmm. Très, très jolie. Une photo de la piste, vous voulez aller voir dans le Zone Campus. Nouveauté du côté du Zone Campus, la catégorie Zone Lab. Ouais. Eh bien oui, en fait, on a essayé pour vous les vélos stationnaires pour étudier qui se retrouvent dans le pavillon de la santé. Ouais. Donc, depuis peu, on peut retrouver justement dans le hall d'entrée du pavillon de la santé deux vélos stationnaires qui sont adaptés pour l'étude, la lecture ou encore pour les travaux sur ordinateur. Donc, en effet, les vélos sont près des prises électriques et ils sont munis aussi d'une tablette avec une palette qu'on peut soulever pour accoter son livre. Il y a même un porte-verre, un porte-bouteille, ainsi que le nécessaire pour calculer le temps d'entraînement. Coudon, mais tout est là. Tout est là. C'est incroyable. Il n'y a rien qui manque. Pavillon de la santé, on passe devant tous les jours, puis j'avais pas réalisé que c'était là. Je pensais que c'était au Reggae ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est très, très proche de la Chasse-Galerie. C'est cool. Voilà pour le Zone Campus qui est en kiosque depuis quelques jours et qui va être là pour tout le mois d'octobre. C'est un 24 pages, couleur vert monte, plus de reportages, plus de chroniques, plus de portraits. La nouvelle formule du Zone Campus pour le mois d'octobre. David Ferron et le rédacteur en chef Marie Labrousse et chef de pupitre. On les remercie tous les deux, même si finalement David n'a pas pu participer à l'émission. Non, en effet. Dommage. Mais il est au travail, donc on le salue. Lâche pas, David, lâche pas. Il travaille sur la grosse nouvelle. On le rappelle, c'était quand même il y a 20 minutes, là, la nouvelle sur la Chasse-Galerie. Je pense que elle mérite d'être répétée un peu. La fermeture du mardi, mercredi, jeudi n'est pas pour des rénovations seulement. Ils font ça aussi. Oui, ils font ça aussi. Mais c'est pas la raison. Mais non. Ils auraient pu le faire ailleurs. Ils l'ont fait là parce que c'est fermé. Parce que ça a été fermé par les autorités. Exactement. En charge de fermer des bars qui servent de la bière jusqu'à 7 h du matin. C'est ça. Sans qu'ils soient supposés. Fait que tu sais. T'as bien compris. C'est ça. On écoute en musique un autre succès de l'été, Tania. Je sais que tu l'avais beaucoup aimé, celle-là. On l'a joué plusieurs fois. Et à chaque fois, je te demandais de quelle pièce tu voulais jouer cet été. Tu me disais « Je veux Françoise ». Ben oui. Avec Coconut Motel. Coconut Motel. Et après ça, Stéphanie Paradis va être avec nous pour « Patate de sofa ». Wouhou! Bonsoir avec Coconut Motel. Coconut Motel. D'ailleurs, justement, parlant de... Ben, pas parlant de coconut, mais parlant de nourriture, de choses qu'on peut manger, une grosse pointe d'adresse s'en vient dans une demi-heure environ. Après la pause, Stéphanie Paradis va être avec nous. Salut Stéphanie Paradis. Hello. Ça va bien? Très bien. Oui. De quoi tu nous parles tantôt? Dis pas le nom de l'émission, juste le style, mettons. Quel genre d'émission ça va être? Fantastique. Cool. Ouh, merveilleux. On va tourner Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Troisième heure et quelques d'Assemblage requis en ce jeudi 28 septembre 2017 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On espère avoir David Ferron d'ici la fin de l'émission pour une grosse pointe d'adresse. C'est lui qui est en train de faire la dépêche là, par rapport à la chasse-galerie. Mais tu sais, connaissant David, il va sûrement y avoir une petite vidéo du bricolage avec des bâtons de popsicle pour montrer comment ça s'est fait. Tout ça. Ok, là, il est en train de manger les popsicles. Je pense que oui. C'est pour ça que c'est probablement. Là. Tout en fin, David Ferron, t'sais? Le fudge. Ah, il nous a entendu. Trop tard. Il s'en vient. On a un micro pour lui. Yeah, David va être avec nous dans quelques instants. Mais là, c'est le moment de passer à Stéphanie Paradis, qui est là encore une deuxième fois dans cette session-ci. Elle va être là avec nous pour l'éternité, je suis certain. La voici avec sa patate de sofa. Patate de sofa, Stéphanie Paradis. Hey, hey, hey! Tu parles de télé comme ça aux deux semaines? Ben oui. Mais je veux commencer par remercier David Ferron. Oui. Qui m'a prêté involontairement ses écouteurs. Il traînait là. Mais j'espère juste qu'il va juste me prêter ses écouteurs et non son rhume. Est-ce que tu penses qu'on peut attraper un rhume en portant les écouteurs de quelqu'un? La cire d'oreille, peut-être, on sait pas. Peut-être si c'est un rhume de cerveau. Peut-être. Oh, peut-être. David qui est là en ce moment, David, est-ce que tu penses qu'il va attraper quelque chose par tes écouteurs? Ben moi, quand je prends mes écouteurs, je prête tout ça autre chose. Ouais, ouh! Ah! Mais là, on va pas dans c'est les détails. C'est subjectif, hein? Cette chose! S'il te plaît, garde ça de ton bord de la table. Donc, Stéphanie qui a regardé une série sur deux semaines. Je pense même que t'as vraiment étiré ça le plus tard possible. Ben, en fait, justement, la vie étant ce qu'elle est, je vais pas vous parler de nouveautés de septembre aujourd'hui. Ben, parce que j'ai pas eu le temps, hein? Veux pas, ça prend du temps de s'embarquer dans une nouvelle série. C'est vrai. Stéphanie, elle a une fille en plus. Il faut bien qu'elle s'occupe d'elle. Ben ouais, hein? À deux ans, ben... Qu'est-ce que tu regardes? La loupsie, je pensais quoi, ça? Des Teletubbies nouvelle génération? Oh non, quand même pas. Non. Non, non, non. Pire. ma fille regarde, c'est une émission coréenne sur Netflix. Okay. Et c'est des animaux en boîte de conserve. Ça s'appelle Canimals. J'adore ça. T'apprécies, hein, ben le oui. Titre de l'émission. Mais ça crie tout le temps. Ah, ben oui, mais il faut tout le temps, ça crie dans les émissions pour enfants. Mais il y a une très bonne émission pour enfants sur Netflix. T'as sûrement vu ça. Je pense que c'est, j'ai l'impression, russe, avec un gros ours puis une petite fille. C'est vraiment bon, ça. Ça se peut, mais ma fille est obsédée par les dessins animés coréens. Bon. Elle écoute aussi Larva, ces deux larves dans des égouts. Ah, c'est extrêmement dégueulasse, t'sais. Ta fille va être weird. Elle retient pas du voisin. Et voilà, on aime donc, ça même. C'est ça, j'ai pas eu le temps de m'embarquer dans une nouvelle série. Mais qui dit, hein, j'ai dit nouvelle, ça veut pas dire que j'ai pas continué sur ma lancée actuelle. Je pensais pas vous en parler, mais je vais vous en parler finalement. Bon. De l'univers de Marvel sur Netflix. Ah oui. Donc c'est quand même assez gros, si on veut, cet univers-là sur Netflix. Donc, il y a actuellement quatre séries qui convergent vers une mini-série de l'univers Marvel sur Netflix. Donc, on a deux saisons de Daredevil, une saison de Jessica Jones, mm-hmm. une saison de Luke Cage, une saison de Iron Fist, ainsi que la mini-série de Defenders. C'est beaucoup de stock à regarder en même temps, hein? Pas en même temps, un après l'autre. Oh, est-ce qu'il y a un ordre à suivre et tout? Il y a un ordre à suivre. Donc, on parle de la mini-série Defenders parce qu'il y a seulement 8 épisodes, contrairement à 13 pour les autres. Okay. Et oui, il faut l'écouter dans cet ordre. En fait, il faut écouter la première saison de Daredevil. Ensuite, c'est Jessica Jones. Et on revient à la deuxième saison de Daredevil. Et ça, c'est pas dit sur Netflix, là. Faut que tu cherches, non? Tu y vas avec les dates d'arrivée, tout simplement. Okay. C'est en ordre chronologique. Et des référents de l'un à l'autre. C'est ça. Okay. Moi, je trouve ça tout à fait brillant parce que si t'écoutes une série, t'es pratiquement obligé d'écouter les autres. Ouais. Donc, moi, à la base, j'étais seulement intéressée par Daredevil. Mm-hmm. Mais quand j'ai vu The Defenders arriver, je fais « Ah, ça, c'est intéressant! Mm-hmm. » Donc, je suis obligée de me taper la série de chacun des personnages. Oui, t'es obligée de regarder Iron Fist, dont les critiques sont vraiment pas très bonnes. Pas très bonnes, hein? Non, c'est vrai. Mais, finalement, oui, j'ai persévéré, hein, parce que j'ai un TOC. Oui, ben, je peux pas commencer quelque chose sans compulsif, le finir. Absolument. C'est ça. Donc, mais je regrette pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que tu te dis complétiste ou complétionniste? Il y a ça un mot pour ça, tu sais, on dit en anglais completist. Quelqu'un qui veut regarder tout le complet de quelque chose. Ben oui, ben, ben oui. Moi. Ben oui. Mais moi, le mot en français, je sais pas, c'est pas. On est tous comme ça. Fou. Fou. Ouais, c'est ça, fou. Complètement fou. Donc, c'est ça. On a plusieurs personnages qui vont se rencontrer. Ils font beaucoup, beaucoup de références à ce qui s'est passé dans l'histoire avant. Mm-hmm. C'est sûr, chaque série, veut pas, ce sont des séries quand même, ce sont des entités. On pourrait les écouter sans écouter les autres. Okay. On serait pas complètement perdu. Il manquerait quelques petits trucs, mais ça passerait. Mais ce sont les petits trucs qui font justement que toute c'est encore plus intéressant. Ouais, tu t'attaches. C'est ça qui fait qu'il y a un petit quelque chose de plus avec ces séries-là. On a aussi des univers quand même très différents pour chacun des personnages. Donc, je vais vous en parler quand même individuellement. Mais c'est ça justement qui fait la petite touche intéressante. C'est tout très différent. J'ai bien hâte de voir quand ils vont se retrouver. J'ai pas écouté The Defenders encore. Okay. Je suis à la toute fin de Iron Fist. Il me reste 2 épisodes à écouter. The Defenders, okay. C'est celle où tout le monde se rassemble. Exactement. Okay. C'est la mini-série. Donc, on va commencer avec Daredevil. Donc, si jamais vous n'avez pas aimé, voire détesté le film Daredevil avec Ben Affleck, ah ouais. Mm-hmm. Ben cette version en série va vous faire du bien parce que c'est pas du tout la même chose. C'est très bon. Donc, on a Daredevil ou Matt Murdock, qui est son vrai nom de petit garçon, est avocat, mais plus intéressant que ça, il est aveugle depuis son enfance. Ouais. Donc, ça l'a exacerbé ses autres sens quand même de façon démesurée. Je trouve ça intéressant aussi parce qu'il nous montre... un peu comment lui voit à certains moments. Oui. Donc, c'est intéressant de voir comment lui peut comprendre son univers. Et c'est rare des personnes avec un handicap à la télé. Donc, oui, ça, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est un personnage très intéressant. Donc, c'est avec ce sens de la justice, parce qu'il est avocat, hein? Donc, lui, il va aller combattre le crime dans les rues de Hell's Kitchen. Donc, tout se passe à New York. Pas de Gordon Ramsay là-dedans? Ouais, c'est ça. Ben non. Ben non. Non. Ah. Ça s'arrêtait le fun, hein? Oui, un petit caméo. À un moment donné, il arrive dans le coin, puis It's raw! Peut-être que c'est à cause de ça que ces restaurants s'appellent Hell's Kitchen. Probablement. Ben, pas mal sûr, oui. Mais j'aimerais ça le voir comme dans Mortal Kombat, arriver dans le coin de l'écran. Toasty! C'est parfait. Donc, l'ennemi à abattre dans la première saison de Daredevil est Wilson Fisk, un philanthrope. Fisk. OK, ça n'a pas rapport avec Iron Fist. Non. OK. Pas du tout. C'est un philanthrope bien connu à New York, mais aussi leader d'un gang criminel. Donc, c'est un classique. Mm-hmm. Dans la seconde saison, on va voir apparaître des personnages comme Frank Castle, qui est connu comme étant The Punisher. OK. Donc, si vous avez vu le film, ça aussi, inquiétez-vous pas, c'est meilleur. OK. Ça, c'est le frère de France Castel? Oui, Castel. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as tout compris. C'est en fait, non, c'est sa doublure. Tu regarderas dans l'émission là, avec Michel Barrette, là. Oui, une oui. fois sur deux, c'est Frank Castle qui est là. Et on va aussi rencontrer Elektra. Tu vas adorer son nom de famille, c'est Nachos. Nachos. Oh boy. Il y a un i, donc c'est pas les Nachos, mais tu sais. Nachos, c'est son siasmérien avec un con queso. Oh, wow. Elles sont allées pêcher ça loin, hein? Vraiment? Nachos. Quand même. Donc, c'est aussi dans cette série que va apparaître Claire Temple, qui est un personnage récurrent qui va prendre beaucoup d'importance au fil des séries. Donc, est-ce que t'as Castle, t'as Temple? Est-ce que t'as genre Mosquée quelque part là-dedans? Non. Non, okay. Ben, pas jusqu'à présent. Non, t'as encore d'autres épisodes à regarder. C'est ça. Donc, elle, par exemple, c'est quand même important d'avoir vu les autres pour voir l'évolution du personnage, parce qu'elle évolue tout au long des séries. Okay. Donc, on la voit premièrement dans Daredevil et on la voit jusqu'à la fin. On la voit même de plus en plus souvent. Donc, elle, on la connaît tout d'abord comme étant infirmière au Metro General Hospital, ce qui est quand même pas mal utile. Oui, hein, oui. Dans un contexte de super-héros. Et on a vu que le Metro veut racheter, veut s'associer avec Jean Couture. Et voilà. Le Metro General Hospital, ça fonctionne. Ça pourrait pas mieux aller. Vraiment. Elle a des antibiotiques à volonté. C'est ça. Donc, elle va finir par accepter que son chemin est destiné à croiser des gens doués. Donc, c'est vraiment à chaque fois par hasard, elle court pas après ça, mais ces gens-là viennent à elle... par destin, en fait. Et en fouinant, justement, sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que Claire, La Claire de Netflix qu'on va rencontrer, c'est un amalgame de deux personnages de Marvel, en fait. Ah, ouais? Donc, c'est celui de Claire Temple, qui est un médecin afro-américain, qui est plus étroitement lié à l'univers de Luke Cage, et aussi avec le personnage... très original comme nom, Night Nurse, qui est spécialisée dans l'aide aux super-héros. Ah! Et, ils ont donné les caractéristiques des deux en même c'est temps. C'est ça, exactement. Donc, elle n'est pas médecin, contrairement à Claire Temple, c'est une infirmière, mais qui, en fait, en connaît beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Et on voit aussi, en fait, j'ai remarqué hier, parce que mon copain n'est pas au même endroit que moi, ça y a pris plus de temps avant de se décider à écouter les autres. Donc, en fait, j'ai un peu réécouté les séries en trame sonore de ma vie. Pendant qu'il faisait ça, toi, tu faisais autre chose. Exactement. Hein? Et j'ai entendu... en fait, c'est lui qui me l'a fait remarquer. Juste après, en fait, que je lui ai expliqué l'amalgame de personnages. Hey, il vient de l'appeler Night Nurse dans la série. Oh, fait qu'elle est deux vraiment, littéralement. C'est ça. Donc, c'est comme un peu un sobriquet qui lui a été donné dans la série. Et c'était juste parfait, à peu près 15 minutes après que j'ai dit ça à mon copain. Le hasard fait bien les choses. Voilà. On peut s'attendre à la saison 3 très bientôt, donc à l'automne 2018 ou tôt en 2019, très bientôt, mais plus ou moins. Mm-hmm. En fait, ça veut dire qu'il va falloir regarder les autres séries et après ça revenir à la saison 3 de celle-là. En dans l'ordre, c'est par saison, pas par série. C'est par saison. C'est ça. Non, en fait, parce qu'on a la saison 1 de Daredevil, ensuite Jessica Jones, et on doit revenir à Daredevil. Voilà, donc c'est par saison. Donc, on doit vraiment regarder la date d'arrivée sur Netflix, tout simplement. Ouais. On leur fait confiance. Oui. Donc, ce ne sera pas la prochaine à écouter Daredevil. Il va y avoir d'autres saisons qui vont arriver avant. Donc, chacune d'elles ont déjà une deuxième saison de confirmée. Ils sont en vraiment fait, all-in avec Marvel. Hein? Vraiment. Marvel. Voilà. Ouais. Ensuite, parlons de Jessica Jones. Jessica Jones est un détective privé qui évolue elle aussi dans Hell's Kitchen. Elle est très portée sur l'alcool, plutôt pessimiste, sarcastique, très peu d'estime d'elle-même. Donc, c'est dans le style série noire. Donc, avec Jessica Jones à la narration, c'est très sexuel aussi. Ah. Donc, si on peut peut-être donner une comparaison très connue des gens, ça serait Sin City. Ouais. Mm-hmm. Donc, c'est un peu dans cet univers-là qu'on évolue. Peut-être un peu moins sombre que Sin City. En fait, oh mon Dieu, j'ai pensé à ça ce matin. Daredevil, c'est quand même sombre aussi, parce que il est aveugle. Non! Ah! Oh. C'est oui, ça. C'est un beau jeu de mots. Mais c'est ça. Non, c'est vrai, c'est quand même ça, mais pas dans le style série noire comme on a avec Jessica Jones. C'est ça. Jessica Jones, elle, est dotée d'une force surhumaine. Et l'actrice qui incarne le rôle, Kristen Ritter, est très, très menue. Oui. Donc, je trouvais ça très, très drôle comme contraste. J'ai trouvé ça parfait comme casting, en fait. Oui, casting très, très, je dirais, quasiment gothique un peu. C'est très... cheveux noirs, très, très... Elle incarne extrêmement bien le personnage, selon moi, et elle a pris 10 livres de muscles pour le rôle. Ah oui. Une chance, parce que ça paraît pas tant. Mm-hmm. Tu sais, elle est pas musclée. Donc, voilà. Oui, on peut s'attendre à la saison 3 quand même rapidement. Non, la saison 2, pardon, quand même rapidement. Je crois que c'est la prochaine à sortir. En 2018 ou plus tard à l'été. 2018. Vraiment beaucoup de mais je pense qu'on a juste à attendre qu'ils nous popent ça sur Netflix. Oui, on aime ça se faire popper le Netflix. Oui, c'est ça. On a Luke Cage qui va y faire aussi sa première apparition dans la saison 1 de Jessica Jones. Donc, le super vilain qu'elle va côtoyer s'appelle Kilgrave. Celui-ci peut contrôler les esprits et les gestes des gens par sa voix. Mm. Oh boy. Donc, c'est quand même un gros, gros pouvoir qui amène une grande possibilité de scénario de revirement qui fait qu'on va adorer cette série-là. C'est l'adaptation du personnage de la BD qui s'appelle Purple Man ou Zebediah Kilgrave. Mais heureusement, il n'est pas violet dans la série. Il y a une chance. Ça aurait été un petit peu trop. Là. On y va quand même une adaptation dans un monde réaliste avec l'univers de Marvel. Là. Ensuite, Luke Cage. Cet homme a la force surhumaine et la peau impénétrable. Celui-là évolue dans Harlem, qui est unique par sa culture et son atmosphère, qui teinte énormément le genre de la série. Mm-hmm. Donc, c'est encore tout à fait différent de la précédente. C'est impénétrable, lui, il peut pas se faire popper le Netflix. Lui. Non, exactement. En fait, sa peau est impénétrable, mais probablement que ses orifices le sont. Ah, possible. Effectivement. T'as bien raison. Parce qu'il mange. Il n'y a jamais aucune fissure. J'arrête là. Oui, on va arrêter terrible. Ça. Terrible. Donc moi qui n'ai pas parfaitement bilingue, j'ai quand même eu certaines difficultés avec certaines expressions, quelques tournures de phrases. Mais c'est vraiment une question d'habitude. Mais au début, on est vraiment dans un autre univers là, qui nous déstabilise un peu. Mais on s'attache quand même beaucoup. Justement, c'était la série qui m'a été le plus difficile okay. à accrocher. Mais ça a aussi été celle-là qui m'a le plus difficilement laissé partir. Ah, pour vrai. Donc, les personnages sont quand même très riches, très nuancés. L'histoire est vraiment très, très bonne. Je ne vais pas vous donner trop de détails parce que tout est interrelié. Donc, si je vous en dis sur celle-là, ça peut vous révéler d'autres choses sur d'autres séries. Donc, on va pas aller trop en profondeur. Dans l'orifice de cette chronique. C'est ça. Donc, on va découvrir le passé de Luke Cage et la manière dont il a obtenu ses habiletés particulières. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. On va aussi avoir beaucoup de réponses aux bribes d'histoire qui nous sont données sur sa vie dans Jessica Jones. Mm-hmm. Mais même si on n'a pas vu Jessica Jones et qu'on voit ça, on n'est pas perdu. Ce sont des réponses. Ils disent pas « Voilà la réponse à ta question! » Ouais, c'est quand même plus subtil que ça. Là. C'est bien scénarisé quand même. Le super vilain qui va affronter, c'est Diamondback, Willis the Striker, qui est, à mon avis, très, très poche comme super comme super vilain, pardon, à la base. Sauf qu'il prend vraiment bien sa place dans la série. Je pense que ça aurait pas pu être d'autre chose que lui comme premier vilain à affronter pour Luke Cage. Puis la face de l'acteur est parfaite. OK, il y a comme une dentition trop, trop droite qui fait peur. Ça vaut la peine d'aller trouver une photo de lui. Tu sais, il y a comme une face carrée, avec la coupe carrée, les dents carrées. Moi, il me fait peur. Moi, si je le croise dans la rue qui me fait un sourire, j'ai vraiment peur. Fait intéressant. Ah, voilà. Ah, on peut ouais. voir ici à l'écran la caméra 3. Caméra 3, voilà. On voit que ça fait longtemps qu'on utilise le terme caméra 3. Ce serait peut-être le temps de se renouveler. Non, les formules gagnantes. Donc, l'acteur Mike Coulter, qui incarne Luke Cage, celui-ci a pris 30 livres de muscles pour le rôle. Ouais, voyons donc. Mais il est vraiment impressionnant comme petit monsieur. Et je trouve aussi que le contraste est très beau à côté de Jessica Jones, qui a aussi une force surhumaine, mais qui est très, très, très, très blanche, très, très pâle, avec les cheveux foncés. C'est pour ça que je disais gothique tantôt, c'est foncé pour blanche. Et très mince. Je trouve le contraste magnifique quand les deux sont ensemble, avec leur force surhumaine. Voilà. Petit doigt. On attend la saison 2 de Luke Cage au printemps ou à l'été 2018. Mm-hmm. Ça s'en vient très, très bientôt. Oui. Ensuite, on a Iron Fist. Donc, c'est l'histoire de Danny Rand, qui est présumé mort depuis 15 ans dans un crash d'avion. Bon. Mais il a plutôt passé les 15 dernières années dans un monde parallèle, dans un monastère, à apprendre le Kung Fu. Ah? Et où il obtient les pouvoirs du Iron Fist. Bref, son poing devient lumineux et indestructible. Juste le poing. Okay. Il peut pas transposer ça à aucune autre partie paume. De son corps. Pas la paume, le poing. Le poing. C'est ça. Le point. Oui, pas la pompe. Donc, c'est quand même intéressant là, au début de voir qu'est-ce qui pourrait se passer si ça fait 15 ans que tout le monde pense que t'es mort, tu reviens. Comment tu réagis? Qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie? Cette partie-là, j'ai trouvé très, très intéressante à la série. Mais c'est quant à moi la série avec l'histoire la moins bien présentée. Mm-hmm. Pas ah. nécessairement la moins bonne. Mais la moins bien présentée. Je trouve ça dommage parce que je trouve justement que l'histoire est quand même originale. Les réalisateurs sont différents pour chaque série, j'imagine. Oui, okay. Exactement. Premièrement, on ne sait pas trop comment fonctionne le Iron Fist. Lui non plus, d'ailleurs, ne le sait pas tout à fait. Des fois, ça marche. Des fois, il faut qu'il canalise son chi. Donc, c'est un petit peu abstrait, je dirais. Il pop le Netflix. Ouais. Tout le temps. Il ne pop le chi, lui. OK. Aussi, j'aime pas trop quand ce sont des personnages ambivalents puis que ça dure trop longtemps, quand ils savent pas trop où ils sont, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, il est tiraillé entre son héritage parce qu'il est riche. Ben oui, évidemment. Donc, il était très médiatisé. Son père, en fait, était propriétaire, fondateur d'une compagnie qui porte d'ailleurs son nom, Rand. Ça ressemble beaucoup à Arrow. Ah? Oui, c'est vrai qu'il y a des petites similarités dans ce sens-là. Moi aussi, j'ai vu ça. Tu sais, il est parti pendant super longtemps. On pense qu'il est mort, il revient, il est riche. Ouais, c'est ça. Combat le crime. La différence, c'est que Arrow, Oliver Queen, oui. Lui, il n'a pas de super pouvoir. Non, c'est il, ça. Il est juste extrêmement c'est bien entraîné au combat et vraiment très, très, très sexy aussi. Ça vient avec. Est-ce que tu as trouvé que les scènes de combat étaient mal faites? C'est ce que les critiques reprochent vraiment. Les scènes de combat sont Ah oui, écoute, moi, je suis une grande amateur d'arts martiaux et j'ai adoré les scènes de combat. Surtout si on compare avec les scènes de combat dans les autres séries de Marvel. Alors que là, quand t'as une force surhumaine, c'est beaucoup de tapochage. Mm-hmm. Bon, oui, ils vont prendre des objets inusités pour combattre, mais j'ai beaucoup aimé que c'est un peu plus gracieux, un peu plus, okay. C'est un peu plus fluide comme combat d'arts martiaux. Bon. Moi, j'ai adoré les combats. C'est ce qui m'a principalement plu, voilà. C'est ce qui m'a principalement accroché, étant donné que l'histoire... était bof. C'est ouais, c'est ça. Mais ne pas se fier trop aux critiques, d'abord. Hein? Ben non, il faut se fier à notre propre... nos propres envies, oui. Nos propres passions. Justement, c'est probablement quelqu'un qui apprécie pas autant les arts martiaux va peut-être justement moins apprécier la série parce que c'est ce qui m'a le plus accroché. Voilà. Faut demander à quelqu'un de confiance comme Stéphanie Paradis. Ben oui, exactement. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Le personnage est ambivalent. Il hésite entre son héritage... Et la défense de Conlon, qui est l'endroit où il a passé 15 ans dans son monde parallèle. Le grand intestin. Conlon. C'est ça. Donc, lui, il a quitté le monastère pour trouver la vérité sur la mort de ses parents, alors qu'en fait, le travail du Iron Fist est de défendre le passage vers Conlon. Donc, c'est un peu ressenti que c'était une trahison, en fait, qui ait quitté cet endroit-là. La saison 2 d'Iron Fist devrait arriver seulement en 2019. On pourrait aussi s'attendre à un crossover avec Luke Cage. Ah! Donc, supposément que leurs histoires dans les BD Marvel se croisent plus longuement, donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils fassent partie de la série de Iron Fist. Cool. Ensuite, pour ce qui est de Defenders, c'est à venir. Moi, je ne l'ai pas encore écouté. Et c'est sorti, là. C'est sorti? Defenders, oui, okay. C'est sorti. Ouais. Et ensuite, on va avoir la série de Punisher qui est dans la même lignée parce qu'on a vu le personnage arriver dans Daredevil. Il n'y a pas encore de date officielle qui a été donnée, mais on pourrait s'attendre à ce que ce soit en novembre prochain. Ih, c'est vite. Ensuite, moi, ce que j'aime, que Netflix propose des univers restaurés de Marvel. Donc, c'est des personnages qui sont moins connus du grand public. Je pense que tout le monde est tanné des remakes de Spider-Man. Oui, oui, en effet. À un moment donné, on a fait le tour de l'histoire, je pense. Il existe une multitude de personnages avec des histoires complexes, intéressantes et différentes. Et je trouve que c'est encore plus rafraîchissant que ça vienne se glisser dans cette offre grandissante et c'est une mine sans fin, les bandes dessinées. Super-héros. Wow. Voilà. Aussi que ce soit proposé en série plutôt qu'en film. Moi, j'adore ça. Ça permet d'alimenter beaucoup plus adéquatement les personnages, de comprendre leur réalité. De s'attacher beaucoup plus qu'à un super-héros, mais s'attacher aussi à l'humain qui est derrière. Ouais. Donc, c'est des histoires beaucoup plus riches. On parle pas juste du gars qui était riche, là. C'était non, quoi, Luke Cage? Danny Rand, excuse-moi. Ouais. Sinon, les génériques d'ouverture sont super. Oui, tantôt, quand je t'ai demandé qu'est-ce qui s'en vient après la pause, tu as dit je sais pas, fantastique. Là, j'ai dit, je t'ai pourtant posé une question générique. Tu me dis non, on va parler seulement de générique d'ouverture. Voilà, générique d'ouverture. J'aimerais une chronique complète sur tes génériques d'ouverture préférés à vie un jour. Ouf. Un top. Ouf. C'est le fun. Moi, je suis du genre à skipper quand c'est trop long. Ah, ah ouais? Mais écoute. Les génériques de Marvel sur Netflix sont superbes. C'est très esthétique. C'est on a des gros plans au ralenti, parfois un peu abstraits. On a une excellente musique à chaque fois qui vraiment recrée l'ambiance de la série au complet. Ça reste en tête puis ça nous dérange pas parce que c'est bon. Il y a aussi une belle cohérence entre chacune des introductions des émissions. Le seul bémol, c'est que quand on écoute 4 ou 5 en ligne, c'est extrêmement long. Ouais. Parce qu'ils sont longs, les génériques. Okay. Ils sont bons, mais ils sont très longs. Donc, quand t'es rendu à 5 épisodes en ligne, comme, bah, c'est quoi, des années, une minute 15, générique, quelque chose comme ça? Peut-être autour de ça. Je l'ai pas compté, mais tu sais, t'as le temps d'aller... Peut-être pas de te faire un popcorn, là, mais pas loin. Mais une fois que le générique est commencé dans une série, est-ce que la musique que dans la série individuelle fit avec le générique aussi? est-ce que c'est cohérent, le générique et les musiques? Oui, oui, tout est cohérent. C'est très cohérent avec, avec l'univers là, qui vient avec. Mmh. Cool. J'avais pas parlé il y a deux semaines du générique d'ouverture de Timeless. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce que ça dure littéralement 3 secondes. Mais les grands réseaux américains, c'est souvent ça. C'est plate, mais depuis, je dirais, au moins une décennie, les grands réseaux veulent tellement pas perdre les gens pour qu'ils changent de poste. Ils mettent un générique avec juste le logo. Oui, mais à un moment donné, tu sais, force-toi un petit peu. Ben oui. Mais je trouve que ça fit quand même avec la série parce que je disais qu'ils voulaient pas perdre de temps pour nous lancer de l'action en pleine face. Mais c'est en plein ça. Ils ont pas de temps, ça s'appelle Timeless. Pas de temps. Ben, c'est ça. Un choix. Donc, si on parle de l'univers de Marvel, sur une échelle de patates germées à poutine extra fromage, oui. Mais je donne la note de Galvaude à l'univers complet de Marvel. Donc, on retrouve plein de bonnes affaires hein, à travers qui s'amalgament bien. Des petits pois. Des petits pois. Oui. Je sais pas si ça existe ici, mais en Gaspésie, il y a de la salade de choux. Ah, c'est délicieux. Je crois pas. Ah, je sais que c'est pas la même chose qu'une galpoutre, ça, il y a du fromage. J'ai pas non, de fromage ben en galvaude. Fait, une galvaude, moi, je prends tout le temps ça avec fromage. T'appelles ça fini... Fini poutine. Fini poutine. Oui, en Gaspésie, si tu veux, c'est fini poutine. Quand tu prends une frite sauce, tu demandes fini poutine, ça? Ben non. Mais si tu demandes un club fini poutine, c'est juste changer la frite en poutine. Ah, OK. Fait que la première fois que tu dis ça à l'extérieur de chez vous, et personne comprend. J'imagine que non, on dirait un terme de rénovation. Ben ouais. Tu me finis ça poutine. Ouais, finis-moi mon sous-sol poutine, ouais, man. C'est ça. S'il te plaît. Donc, oui, c'est ça, ça s'amalgame bien. On a du poulet, des petits pois, salade de choux, tout va bien ensemble. Et le fromage qu'ils font dessus, ça, c'est tous les crossovers de la série. Ah, oh, mon Dieu, tellement. Qui vont tous s'entremêler, puis qui fait que ça donne un gros plus à l'ensemble. Hey, c'est fort, hein? Sinon, petite parenthèse, ouais. Je reviens sur Timeless, que j'ai terminé. Oui? Donc, ce sera pas bien long. T'es rendu au 3 encore plus, là, en fait, j'étais rendu à l'épisode 11 sur 16. Ouais. Je les ai terminés là, dans les deux jours suivants maximum. Je vous dirais que le meilleur était à venir à ce moment-là. Okay. J'ai trouvé qu'il y avait un très beau revirement de situation dès l'épisode 12, donc tout de suite après où j'étais rendue. Il y a énormément d'informations qui débloquent à l'épisode 13, ça, qui devait dit, être la dernière. C'est ça, t'avais dit qu'il y avait eu des épisodes qui avaient été rajoutés là, voilà. Dans la première saison. Voilà, donc ça débloque beaucoup à l'épisode 13 qui devait être le dernier épisode. Et pour ce qui est de la finale, ben, je sais pas si c'est moi là, qui est naïve, mais je m'y attendais pas du tout. Peut-être parce que j'avais pas envie de chercher à quoi m'attendre, mais je m'attendais pas à ça. On pense que tout est fini, puis finalement, c'est comme à la dernière seconde, plein de choses arrivent. Oh. T'es un peu surpris et t'as vraiment hâte d'avoir des réponses à tout ça. Ça m'intrigue énormément. Timeless qui va jouer à V cet automne, intemporel et le nom en français. Est-ce que c'est commencé? Je sais pas si c'était début octobre, fin septembre. Bon, on est pas mal ça là. Ça s'en vient, oui. Donc, à regarder si ça vous intéresse. Et aussi, à ne pas manquer, ça sort demain, la nouvelle mouture du bus magique. Oh, oui. C'est vrai? Mais ils ont pas pris, c'est pas le même personnage. Non. C'est une autre qui est pareille, ouais, une autre voix. Sa sœur, ouais. C'est sa sœur, mais on voit l'ancienne qui est là, par exemple. Elle est là quand même. Ça aurait pas été mieux s'il avait juste gardé l'ancienne. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, elle doit être rendue à 95 ans. C'est un personnage de dessin animé. Ça se fait. Bart Simpson, il a le même âge depuis le début. Ouais, wow. Mais c'est un peu le concept. On veut une nouvelle mouture, on veut essayer d'aller chercher autre chose. On fait un personnage qui est exactement pareil, mais qui est juste sa sœur. Avec les mêmes cheveux. Et les mêmes phrases qu'elle dit. Bref, moi, je vais l'écouter avec ma fille. Okay. Oui. J'ai hâte de voir ça. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de canne de canne de légumes. Tu sais pas, des fois, ils vont dans l'estomac. Ah, on sait jamais. On sait jamais ce qui m'arrive. Spoiler. Sinon, il y a une nouvelle mouture de Passepartout qui s'en vient. Moi, je suis contente. Ouais, c'est vrai. La fille qui joue Passepartout est pas contente, fait que je suis pas contente. Ouais, ça a l'air. Mais non, mais moi, j'ai les vieux DVD pour ma fille. Mm-hmm. Ma fille capote. Je veux même pas qu'elle voit les nouveaux. Shame. Mais déjà que les nouveaux, les anciens nouveaux, c'était vraiment mauvais. Je suis tellement d'accord. Personne n'en parle, ça. C'est comme si ça avait pas existé. Exactement. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai vu ça. C'est parce que les vieux nouveaux étaient pas bons. Je les ai pas écoutés, je les aimais pas. On leur fait pas confiance. Puis là, ils parlent de Passepartout 2.0. Excuse-moi, c'est 3.0. Parce que 2.0, c'était celui avec les morceaux de cassin. On s'en rappelle en 3D, tu sais. Non, avec Tintinabule. C'est ça, puis... Tourbillon. Tourbillon. Et voilà, Tourbillon. Denis Mercier. C'est vrai. Ouais, YouTube-moi ça. Allez chercher la chanson thème, voir comment c'est. Il y en a plein qui sont pas contents, en fait, que ça revienne. Mais non, mais pour vrai, qu'est-ce que tu veux faire d'autre qu'il n'y a pas déjà été fait dans les épisodes? Mais c'est d'origine. Déjà un classique, ne détruit point le classique. Exactement. Ça va briser nos souvenirs. Ouais, c'est ça. Vraiment. J'ai envie qu'on se quitte avec le générique de la nouvelle version de Passepartout dans le temps, comment c'est mauvais. Juste pour le faire. Là, comment? Yark! C'est mauvais. Merci, Steph. Mal au cœur. Il est beau parce que quand tu m'as vu danser, tout est sur nos comme des oiseaux. Aujourd'hui. Vous êtes assez, avec Mathieu Plante et Tania Baudin. Oui! Donc, c'est le moment maintenant, comme on le fait tous les jeudis, en fin d'émission, de goûter à quelque chose. On tient à souhaiter joyeux anniversaire, oui, à David Ferron, qui vient de nous quitter en passant. David Ferron, il est mort. Il est mort. Il nous a quittés. Ça, on savait tous qu'il y avait un problème, un syndrome, mais on savait pas que ce serait ça. Ben, c'est ça. Le médecin vient de l'appeler. Il est malade. On le verra pas pour un petit bout, mais bon, on lui souhaite bonne fête. Prends rétablissement et merci d'exister. Soigne-toi. C'est ça. Prends des antibiotiques. Exactement. Parle pas trop fort, elle veut revenir. Il faut que ça en aille se coucher. Oui, c'est vrai. Bref, je disais donc que les jeudis, en fin d'émission, c'est le moment de manger quelque chose. Enfin, donc voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique où on mange ou goûte à quelque chose produit du tiroir, c'est-à-dire un produit que j'ai laissé dans mon tiroir depuis les derniers mois, quand même, c'est comme ça que ça se passe. Celui-là, par contre, est quand même frais, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés pour cette chronique-là, j'avais pas de produit. Non, en effet. Donc j'ai eu le temps d'en accumuler deux. Et la dernière fois, Steph était là. J'en ai testé un café de... Et Steph a aussi un produit! Oh mon Dieu! Oui, oui, oui! On mange éternellement. On va pouvoir goûter à... Je pense qu'on va pouvoir se gâter avec deux choses. Il n'y aura pas de nouvelles aujourd'hui. Mmh. C'est une bonne chose que j'ai pas déjeuné ce matin. C'est ça. Peut-être pas! Si tu viens de donner un indice comme ça, je pense qu'on devrait peut-être commencer par toi. On peut très bien commencer par moi. On dirait bien. Donc, je vous explique. Oui. Vous savez, les publicités qui passent sur Facebook, qui vont nous cibler, je suis extrêmement influençable à ça. Oui. Est-ce que tu me comprends là-dessus, Mathieu? Je suis pareil comme toi. Je vois popper les annonces de différentes boîtes d'abonnement avec la bouffe dedans. Je veux tout le temps les prendre. Et voilà. Mais une fois, j'ai flanché à une de ces publicités-là. Et je vous explique pourquoi. Ça a l'air bon, mais beaucoup trop bon. C'est quoi la saveur automnale? La citrouille. La citrouille. Voilà. Et qu'est-ce qu'on aime beaucoup boire le matin? Café. Un café. Pensez-vous pas que ce mélange-là, ça pourrait être délicieux? Hey, ça serait pas écœurant, ça? Ben, c'est sûr. Hey. Et je vais aller plonger et aller chercher ça. OK, on la regarde faire. C'est de l'aquagym. Oui, c'est ça, exactement. Ouh, j'ai soufflé. Hey, hein? Tadam! Je l'ai vu! Oui! Ah oui, oui, oui! Eh oui! Donc, c'est la compagnie Bones Coffee qui nous propose la saveur Jack-O-Lantern. Ah, je l'ai vu hier sur Facebook. Tout le monde, pour vrai, là. Facebook est fort. Ça sent jusqu'ici. Ça sent bon, hein? Ouais. Sans moi le paquet! Ah oui! Ça dit le paquet, Mathieu! Pouvez-vous vous imaginer quand j'ai ouvert la boîte? Ah, c'est sûr, là. J'en ai même texté Mathieu pour lui dire « ça s'en va ». J'ai une surprise! J'aurais jamais deviné que c'était ça, par contre. Moi non plus. Moi, je m'attendais à quelque chose que peut-être qu'on va devoir se procurer, Stéphanie et moi, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, Steph, on avait commandé une boîte de petits gadgets geeks. Là. C'était la Loot Crate. On avait testé pendant plusieurs semaines. On avait fait la petite critique de chaque article qu'il y avait dedans. On l'avait fait plus longtemps que prévu, hein, parce qu'on avait oublié d'enlever l'abonnement. Peut-être que c'était genre le lendemain de la date où on pouvait annuler. Genre. Mais bon. Et finalement, bref, on le fera peut-être une autre fois parce qu'on a vu passer une autre boîte qui nous intéresse. On en reparlera. Ce café-là, par contre, j'ai envie d'y goûter. Donc, l'emballage est magnifique. Le sac est tout au noir et on a de très, très beaux designs. Ce sont des dessins. Donc, on a un squelette avec une citrouille sur la tête qui chevauche un cheval violet à la crinière verte. J'imagine que c'est des flammes oranges tout autour. Ça fait Jessica Jones. Ça fait Halloween, pas mal. Les dessins sont magnifiques. Chacune des sortes a son propre design, bien entendu. Cool. Est-ce que tu te rappelles d'autres sortes qu'il y avait? Je vais vous en parler après. Okay. Elle me voit venir. Donc... Bien entendu, le paquet est déjà ouvert parce que j'ai dû infuser le café chez moi ce matin, donc c'était pas parce du... Parce que toi, t'es préparée pour ces produits. Non, mais... C'est ça que tu veux dire? En fait, non, c'est pas du tout. Dire. C'est juste que je trouvais ça compliqué d'amener à ma cafetière puis de l'infuser directement ici. Et il faut dire aussi, en plus, que non seulement on peut pas faire de café parce qu'on n'a pas de cafetière ici, mais en plus, même si t'avais juste eu besoin d'eau chaude, la chasse-galerie est fermée parce que quoi déjà? Ils ont laissé les gens entrer jusqu'à 7h du matin, fait qu'il a fallu qu'ils se ferment à cause de l'autorité. Il y a des rénovations dans la cuisine. Ouais, qu'ils disent, c'est ils ont quand même été extrêmement gentils. Ils m'ont donné des verres. Ça, j'aurais été mal pris. On les aime. Fait que c'est toi qui vergeais dans la fenêtre à matin. C'est ça, c'est moi. On les aime. T'sais, on rit de ceux qu'on aime. C'est comme David Ferme. Ben oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on ouvre le paquet? Oui. Ah oui, il faut. Ou j'ouvre mon thermos. Des deux. Ouais. Hein? Oh mon Dieu, l'odeur! Une chance que tu l'as pas fait sentir à David, on aurait pogné son streptocoque. Oh mon Dieu! Et si c'est aussi bon que ce que ça sent, là, je capote. Ouais, moi aussi. Tu veux-tu sentir le paquet? J'aimerais ça! Tu vois, je trouve que ça sent un peu le bonhomme pain d'épices. Oui, hey, c'est exactement voilà. Ça que ça sent. L'odeur est très prononcée, c'est vraiment, vraiment merveilleux. J'espère que ça va être bon. Mais c'est sûr que ça va être bon. Je vois pas comment ça pourrait pas être bon. Ben, j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu intense, comme les chai latte à la citrouille chez McDonald's sont trop intenses. Moi, j'ai juste peur que ça soit pas assez intense. Ah! Un petit entre-deux serait pas pire, ça. Ça dépend de ton temps d'infusion. Probablement. Ben, une Keurig, tu choisis pas ton temps. C'est vrai. Non? Ah, c'est le fait dans une Keurig, dans des petits cups personnalisés. Oui, des petits cups. J'achète pas de petits cups jetables ou quoi que ce soit. J'en ai deux que j'alterne. Ouais, c'est une bonne décision. Donc, j'ai mon café dans le thermos. Elle a fait infuser dans une tasse mauve. Hein? Donc, Purple. Purple Man. Purple Rain. Et voilà. Oups. Ça coule. Au son, ça au son, ça sent la citrouille. Ça sent la citrouille. Ça sonne citrouille, pardon. Ça sent la citrouille. Hey, la technique. Mais ça, c'est thermos, c'est parce que quand tu verses, c'est fait pour, c'est fait pour être dans la bouche, pas c'est pour ça, un verre. C'est ça. C'est, ouais. Donc, Mathieu. Oui, hey, on fait des beaux gros silences aujourd'hui. Ouais, s'il te plaît. Ça fait fun. Et moi, je sais, vous buvez votre café noir. Oui. Merci, oui. Moi, je me suis amené du lait. Ah, ben oui, bonne idée. Est-ce que tu t'es mis une petite glace dans ta boîte? C'est ça que t'as fait? Non, non. Non, le lait caillé, c'est pas grave. Non, c'est vrai. Même s'il y avait des petits moutons. Des petits moutons. Elle s'est mis ça dans des petits distributeurs, là, full Tupperware, là, c'est, ouais, les mignonnettes. C'est une salière. Une salière, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que tu vas saler ton café? Pourquoi t'as salé beaucoup? Ah mon Dieu, ça marche zéro pour verser du lait dans les petits trous. Tu vois, les bébés avaient tort. Ça se fait pas. Saler ton café. Eh boy, hein. De la misère à l'ouvrir, c'est quoi? Moi, j'essaie de pas, comme, se ploucher. Les produits Tupperware sont trop tight. C'est vrai. Je sais. En tout cas. Yeah. Mais c'est correct, moi je suis loin de la console, fait que moi c'est pas grave, même si je fais de la chimie. C'est ça. Si tu veux qu'on change la formule et qu'on arrête de dire caméra 3, je veux dire caméra 4. Tu vois, c'est pas opaque comme je pensais que ça allait être opaque. Mais j'aurais peut-être pu le faire plus fort aussi. Ah, peut-être un peu, on voit au travers, on voit le fond du verre. Ça me fait penser à un thé présentement. C'est vrai, je suis d'accord. Mais je trouve que moi je l'ai demandé déjà moulu. Ah, donc, okay. Je tu peux commander en grain aussi. Oui, et je trouve que la mouture est très très fine, peut-être trop fine, mais rendu là, moi je préfère que ce soit déjà moulu. Oui, c'est plate de grinder ton café. Ouais, c'est plate. Ouais. J'ai déjà eu une cafetière avec grinder intégré, ouais. Mais je m'en suis débarrassée parce que il était toujours à on sans que je le veuille. Ah. Fait que tu sais, à 6h quand tu fais ton café puis que le petit grinder. Non. Donc. C'est okay. Déplaisant. Moi, je vais goûter à la version latte. Okay. Oui. Est-ce que tu as fait refroidir un petit peu parce que ton thermos doit garder ton café extrêmement chaud? T'es sûr que tu vas Mais je l'ai fait quand même, là, ça fait. J'avais une tasse comme ça avant, puis un bon 8 heures de chaleur. Oui, mais il devrait être pas si pire, là. Ça fait quand même un petit bout. Ok, là. On y va. Goûte le thé pas mal, ça. Ouais. Je pense qu'il est peut-être pas assez fort. Mais c'est vrai qu'il est léger. Il est vraiment léger. Très léger. C'est pas mauvais, par contre, mais ça fait vraiment comme un thé. Oui, c'est vrai. J'étais un peu déçue. Ouais, aussi, hein. Mais c'est peut-être effectivement l'infusion parce que j'ai acheté d'autres saveurs et j'en ai essayé une qui est très classique. Je me disais, c'est pas vraiment grave. Mm-hmm. Si j'y goûte à la vanille française, et ça goûte vraiment le café vanille française, il est délicieux. Donc, je sais pas pourquoi il est léger comme ça. En tant que tel, mettons, l'eau passe dans le cup Keurig. Des fois, il faut que tu mettes, faut que tu prends la formule éventuellement, ouais, de taper ton café, de le mettre quand même assez, assez rempli pour que, ouais, c'est vrai. Parce que la quantité d'eau est tout le temps la même. Bref. Mais c'est pas mauvais, c'est bon. Mais le goût, c'est sûr qu'il est bon. Très bon. Et j'ai d'autres saveurs. Ah, mais moi, je capote, là. Je trouve ça vraiment bon, le petit arrière-goût. Oui, mais moi, j'aime le thé aussi. Fait que, honnêtement, ça me dérange pas. Mais est-ce que t'as déjà goûté le thé chai citrouillé? Je fais ma réserve à chaque année. Et je me fais le meilleur latte au monde. Chez Starbucks? C'est tellement bon. David Tea. On parlait de thé. Chez Starbucks, je trouve ça dommage que les Starbucks, le Starbucks qui va ouvrir aux Rivières ouvre seulement en 2018 parce qu'il manque la grosse période du chai latte à la citrouille. C'est comme la grosse affaire chez Starbucks. Oui, mais c'est facile à se faire. Il y a tellement de recettes identiques. Oui, mais Starbucks. Ouais, mais moi, j'irai pas. Mais j'irai pas. Snob. Je vais vous partager les autres saveurs parce que j'ai commandé ça, mais j'ai vu qu'il y avait tellement d'autres saveurs que j'ai acheté pour 60$ de café. Wow! Ah, je te comprends tellement. Par contre, moi aussi, quand j'achète du café, j'achète du café. Ouais, mais tant qu'à payer le shipping, T'sais, c'est ça. T'achètes du café. Et t'attends les périodes, des fois dans l'année, il y a des périodes sans shipping sur les sites, des fois. Là. Fait que moi, des fois, je me fais un gros stock là. Mais moi, je voulais mon Jack-O-Lantern. Pour l'Halloween. Donc, pas le choix de commander ça là. C'est ça. Donc, en fait, ce sont des sacs échantillons. Mmh. Donc, t'avais des ensembles de 5 sacs. Tu choisissais toi-même les saveurs que tu voulais. Et j'ai commandé gâteau au fromage à la fraise, strawberry cheesecake. Ben, regardez l'emballage, et c'est vraiment magnifique. C'est ça vraiment beau, hein? Mais en fait, vous avez peut-être même déjà vu passer l'annonce sur votre propre Facebook. Peut-être. Ça aussi, ça sent déjà. Voyons les sacs. Mais sûrement que non, je pense qu'il faut qu'il y ait un, il y a pas un petit trou tout le temps dans les sacs de café. Ouais, en arrière, le gars, le soir, ouais, là. Oui. Bon, voilà, tu vois. Caméra 3. Caméra 4, on change de formule. Ça sent bon, ça. Ah. Ensuite, j'ai chocolat framboise. Oh. Hey, t'as du goût pour vrai, Steph Paradis? Elle a vraiment du goût. Vous avez des cafés sucrés. Mais ils sont pas très sucrés. C'est pas comme les thés. Hein? Ah. Ouais, les thés, ils rajoutent vraiment là, des petits trucs sucrés pour que ça sucre. Alors que ça, c'est vraiment le café. Oh, ça avec, sent le chocolat, ça. Avec l'odeur, la saveur dedans, mais il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Moi, je suis là puis je sniffe les sachets pour voir. C'est bien correct. On a aussi caramel salé. Ça, je pense que ça serait un des préférés à moi. Qui sent affreusement bon. OK, je pense que pour vrai, je pense qu'il va me convaincre de m'acheter de ce café-là. On vrai. Avait aussi le vanille française que j'ai essayé chez moi et que j'adore. Et j'en ai un pour toi, Mathieu, que je te donne. Arrête donc. Et c'est bacon érable. Bacon érable dans du café. Donc, tu vas essayer ça et tu vas nous en reparler. Hey, c'est fun. En plus, ils te disent c'est quoi la torréfaction. Comme, mettons, caramel salé, c'est torréfaction moyenne. Ah! Ça sent bon, bacon érable, en plus. Wow. C'est le fun. Merci, Steph. Ça sent tellement tout très bon. Oui, c'est ça l'affaire. Ils sentent tout vraiment bon. Cool. C'est des gros sacs, quand même. Ils disent que c'est des sacs échantillons. Ouais, tu t'en fais une bonne dizaine, non? C'est 4 onces de café. Je pourrais pas dire, mais quand non, t'en fais. Non, d'après moi, t'en fais plus que ça. Ah ouais, plus que 10. Parce que oui, c'est 5 sacs échantillons, mais c'est quand même. C'est comparé à leur grosse poche, là, de. C'est ça, de c'est café. Quand même 5 sacs pour 30$. Là. Hey, c'est pas cher, hein? C'est vraiment bien. Ouais. Et le gros sac était 20$. Cool. Pour 16 onces. Et encore, tu peux l'avoir pas moulu ou moulu. C'est ça, exactement. On peut choisir. Moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer des petites saveurs comme ça, fantaisistes. Ça revient vraiment, vraiment moins cher que d'aller chercher son café là, dans un petit café. Et oui, c'est correct d'aller s'en chercher une fois de temps en temps, mais c'est le fun d'avoir aussi un peu de fantaisie le matin et pas juste son petit Folgers quotidien. C'est pour ça que j'aime bien les capsules quand même. J'achète pas tout le temps les capsules originales, l'espresso, là, mais j'aime ça pouvoir varier. Mon café change de pays à chaque jour, j'aime ça aussi. Ben oui. Bref, donc Bones Coffee Company, c'est sur bonescoffee.com. Ils ont coché moulu dessus, tu vois. Ils ont coché la case moulu. Pas se tromper. Au toucher, on pourrait se tromper. Ben c'est ça, c'est tellement pareil, tu sais, en grain ou en. Ou moulu. C'est ça, à tâtons. Hein? Merci Stéphanie Paradis. Ben, ça fait plaisir. D'avoir participé à la chronique, une grosse pointe d'adresse. Je pourrais pas donner une note exacte, étant donné qu'il est peut-être pas infusé assez fort. C'est ça. Mais on va lui donner une note de café. De goût, c'est. Note de c'est café. Bon. Donc voilà pour une grosse pointe d'adresse. Et on va terminer l'émission là-dessus. Ça nous amène exactement à la fin de l'émission. Mes deux produits, j'en aurai pour deux autres semaines. Fait que j'aurai pas besoin d'aller faire l'épicerie. Hein? C'est merveilleux ça, on aime ça. On goûtera quelque chose d'autre la prochaine fois. Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui, hein? On est jeudi aujourd'hui. Tout à fait, t'as bien raison. C'est Patriote en action avec Olivier Dumas. C'est le temps, là, Mathieu. Ouais. Contrairement à hier, on est jeudi. Une fois par année, j'ai tendance à dire la mauvaise affaire. À midi, les palmarès c'est fou avec toi et moi. Ça va être la portion top 5. Ensuite, à 13h, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 19h, ton père va être là, Denis Baudin, pour Très Blues. C'est fou, lui qui nous plug chaque semaine. Donc, plugons-le. Du blues. Ouais, exact. Et juste du blues. Du blues, à du blues. À 19h. Puis une entrevue. Hey, parle-moi donc de ça, va. Une entrevue pas pire. Si vous tripez, mettons, sur Styx. Ouais. Bâtonnet. Ben, écoutez ça. Mm-hmm. Cool. Ouais, le go one. C'est ça. C'est ça. Lawrence Go One. C'est un Pokémon aussi. C'est.ca pour la programmation complète, assemblagehockey.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On va être là, nous, entre 7h et 10h demain pour l'édition week-end d'Assemblage Hockey. Absolument. Comme ça, 7h à 10h. Ne manquez pas ça. On va être live. Non, c'est pas vrai. Non. C'est une blague. C'est comme dire qu'on ferme pour les rénovations. C'est parfait. C'est le même genre de menterie. Merci à qui d'autre aujourd'hui, à part Sif? David Ferron qui David était Ferron moyen qui, là. Qui est venu faire une apparition. Pas mal ça. Toi, Mathieu. Toi, Tania Baudin. Fait plaisir. Bonne fin de semaine. Bon café. Bye.